Comment ils vont, mes abonnés? Je crois que ce sera mon nouveau gimmick pendant les lives, je te jure. Comment ils vont, mes abonnés? Alors, la forme? Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans les rubriques de G. Pour un live de merde, on va se mentir. Un live à peine préparé, mais un live qui vient du fond du cœur. Avant de parler du concept du live de ce soir et de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir aussi qu'on aborde quand même comment on a décidé cette soirée, parce qu'il y a un petit détail qui est important. Mais avant de parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, je vais présenter mes invités. Bonsoir Deviante, comment vas-tu? Mais écoute, très bien, ça me fait super plaisir, c'est un magnifique panel, je suis très content d'en faire partie, voilà. Et on voit que c'est préparé, parce qu'on voit effectivement, comme l'a fait remarquer Comique du Prof, la magnifique vignette de ce live, qui est, faut pas se mentir, une œuvre d'art, et voilà, je trouve que ça amène du bonheur. Eh, je vais te dire un truc, moi du moment où j'ai un moment de doute... Tu te fais juger par le mec qui a une doudoune sans manche, là. Complètement. Déjà. Non mais là. Défends-toi. Eh, on avait dit pas les mères, pas les vêtements. Alors, calmez-vous. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je sors en fait une vignette avec un fond étoilé, déjà, ça sent l'escroquerie. Je vous le dis tout de suite. Déjà, le truc, ça pue. J'ai évidemment le plaisir d'avoir à mes côtés Nils de la cave du Mills. Comment ça Hello. Va Ça va super bien. C'est la première fois que je suis en live avec Deviant Prod. Et ça, c'est grave. Cool. Et je suis trop content d'être sur ta chaîne. Non, c'est la deuxième fois, mais c'était il y a longtemps, c'était un truc improvisé. Oula, attention. Oui, ils s'en souviennent même pas, c'est pour dire. Non, j'étais peut-être aviné, c'est possible. Voilà, c'était possible. Là, je viens de manger mexicain, donc attention, si je dois partir à un moment, bon, il y a... On peut faire une pause à n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème. Bonsoir tout le monde, merci, merci pour l'invite. Pour tout ce qui est besoin biologique, il y a le chat privé qui est là. tu n'hésites pas. Hop, on trouve un subterfuge. On fera une petite pause mexicaine. C'est important. Écoute, si tu as des... comment ça, des... merde, des trucs là. Mais tout à fait, si tu en as, on peut faire à un moment donné une pause mexicaine. Je vais avoir ça qui traîne, ouais. Et évidemment, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ma couille gauche, Dramoun. Comment vas-tu? Moi, ça va. Je ne ferai pas d'appropriation culturelle. Moi, je reste droit dans mes bottes. Vas-y, développe. Je suis blanc. Attends, blanc si c'est hétéro, je sais pas quoi. Donc voilà quoi. C'est voilà. Moi, je suis représentant de la société, un truc comme ça, je crois. Voilà. T'es dans le groupe où il est urgent qu'on ferme notre gueule. Hein. Ne pas trop la ramener. Non, mais je préfère dire parce que il y en a un qui prend une doudoune sans manche pour se faire passer pour un agriculteur et l'autre qui va aller prendre des maracas. Si on a vu cette nuit d'Indien. Donc. Sauf que voilà, moi, je fais partie de ce qu'on appelle l'époque. Donc du coup, je fais ce que je veux en fait. Exactement. C'est ça l'avantage. C'est quoi l'époque? Ah, c'est comme ça qu'ils disent aux États-Unis, c'est les personnes of color. Oh, t'es bien palo, hein, quand même. On va pas se mentir. Oui, monsieur. J'ai une double nationalité, monsieur. Et oui. C'est vrai? Donc je peux. Ouais. Comment j'ai la double nationalité. Hein. Franco-suédoise. Non, c'est faux. non, j'ai la double nationalité franco-algérienne. Moi, je suis franco-stéphanois. C'est pire. C'est pire. Alors, le concept de cette soirée. Déjà, comment ça s'est décidé? À la base, on voulait faire un live lecture. Et sans rentrer trop dans les détails, en discutant avec Spider-Man, avec Dramoun, on a convenu qu'on était trois vieux aigris. Et que c'était peut-être pas une bonne idée ce soir qu'on lance un live pour parler de nos lectures récentes, vu qu'il n'y avait pas forcément grand chose à dire. On voulait parler éventuellement de l'actualité des comics. Et c'était pas tellement la peine, parce que je sens qu'on n'allait pas être forcément extrêmement positif sur les différentes news qui pouvaient arriver. Et puis, surtout ce qui arrive aujourd'hui en plus. Oui, j'ai vu. Ouais. D'ici, qui n'ont fini plus de mourir. D'ici, si tu nous regardes. Courage. Catastrophe. On croit en toi, plus du tout. et donc, du coup, on s'est dit, tiens, mais si on faisait un petit live pépère, ça s'est décidé entre midi et 1h, hein, cette histoire, où on propose simplement, en fait, avec différents invités, si on faisait un petit tour d'horizon de vos lectures, votre top des lectures ever. Voilà, qu'est-ce que c'est que ton meilleur manga? Qu'est-ce que c'est que ton meilleur comics, ta meilleure BD, ton meilleur comics indépendant? Plus en deuxième partie, des questions qui sont un petit peu plus ouvertes. quelle est votre lecture doudou, mais ça, voilà, Dram, il va nous expliquer ce qu'il entend par cette question. Une lecture qui vous fait pleurer, une lecture qui vous fait rire. Et puis, eh ben, le but, eh ben, c'est d'essayer d'avoir, avec les invités qui sont présents ce soir, eh ben, votre top ever, ever des lectures de bande dessinée au sens général du terme. J'aime tout particulièrement les soirées qui se décident d'une manière totalement hasardeuse, impromptue, où on ne sait pas bien comment ça s'organise, mais au final, je sens qu'on tient un concept qui va être pas forcément le truc, vous avez peut-être déjà vu ça ailleurs, et très certainement, mais je sens qu'on tient un concept où on va avoir envie de voir passer dans cette émission tout un tas de lecteurs pour qu'ils puissent faire leur top à nos côtés. Et ça, c'est plutôt cool. Carrément. Voilà, alors je vais pas faire un tour d'horizon du chat parce que vous êtes déjà nombreux, mais je vous embrasse tous bien fort, ça me fait bien plaisir que vous soyez là, et puis on va essayer de passer une bonne soirée tous ensemble. Et si vous ne connaissez pas encore Deviant Prod et la cave du Mills, les liens sont dans la description, et cette fois ils y sont. Parce que je fais peut-être des miniatures de merde, mais j'ai quand même pensé à mettre vos liens dans la description. Et ça... Mais il n'y a pas de lien pour Dramoun, et ça bah, c'est... C'est notre petite tristesse. Un jour, peut-être. Ça arrivera. Et comment tu m'as dit la dernière fois, quand je t'ai dit il est temps que tu fasses un podcast et tout, tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit il a plein d'idées, moi je t'ai dit j'ai plein de flemmes. Ouais, voilà. Et à la croisée de ces deux mondes, il va juste lire, en fait. Alors, de quoi, avec quoi on va commencer ? On va commencer avec une question toute bête et pourtant si compliquée déjà. Quel est votre comics ou run, Marvel ou DC, préféré ? Alors, il va falloir prendre le top du top et le mettre tout en haut. Et je vais me tourner immédiatement du côté de Deviant. Eh ben allez, c'est parti. Alors, de toute façon, ce qui est génial, c'est que toutes ces questions-là, en fait, genre chaque semaine, je pourrais te filer des réponses différentes. C'est ça qui est selon le moment, selon l'instant, selon le... Après, je t'avoue que sur la réponse là, je pense qu'on est quand même une qui restera... Je crois que c'est dans les deux questions où la réponse resterait toujours la même quand même. Et ça serait New Frontier. Ça serait DC, ça serait New Frontier, Darwin Cook. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... Déjà, il y a quelque chose de l'essence de DC dans ce comics. Il y a de l'histoire du comics aussi. Ça va chercher dans les comics de SF, ça va chercher dans le comics noir, avec même des changements de structure, en plus, selon le type de comics auquel il va faire référence. Ça va chercher dans plein de choses. Il manque plus que le western, à la limite. T'as même aussi ces vieux comics que je lisais quand j'étais gamin aussi, sur des soldats, tu vois, ces trucs de commando comme ça. C'est les vieux comics qu'avait mon oncle à l'époque. Et donc, vraiment. En noir et blanc, puis ensuite en couleur aussi, t'avais les petites éditions qui étaient, t'avais des Conan aussi à l'époque, t'avais plein, je sais que mon oncle avait des cartons entiers, etc. C'est vrai que dans ce bouquin de Darwin Cook, tu retrouves tout ça, et t'as vraiment ce côté de cet univers d'ici qui se construit, qui part de quelque chose d'assez sombre, d'assez, ça parle beaucoup de politique, ça parle beaucoup de, voilà, c'est, enfin, ça se déroule dans l'époque de la lutte contre le communisme, ça parle de racisme, ça parle de la situation des États-Unis, ça parle d'énormément de choses. Et avec toujours ce truc de l'espoir, petit à petit, qui se construit, qui va se... Et ouais, pour moi, vraiment, je trouve que Darwin Cook, avec New Frontier, il a écrit une sorte de pamphlet sur ce qui est DC Comics, en fait. Et je trouve que ça représente quelque chose pour moi. Si tu veux faire comprendre un peu qu'est-ce que ça peut être DC Comics, je trouve que c'est un bon moyen, en une histoire, d'avoir une vision quand même un peu... Et ça va chercher loin, même dans les personnages. C'est-à-dire que tu vas chercher dans les aventuriers de l'inconnu, là où un truc comme ça. Enfin, t'as plein de personnages comme ça qui viennent de choses assez lointaines. Les losers. Exactement, ouais, les losers. T'as tous ces gens-là. Enfin, t'as Flag qui a un rôle assez important. Enfin, tu vas chercher vraiment sur des personnages créés par Kirby, créés par... Et c'est... non, vraiment, je trouve, voilà, c'est pour moi, c'est un beau tour d'horizon de l'univers d'ici, en fait. Il y en a un qui l'a lu ? Non. Si, visuellement, c'est magnifique. Il y a des planches qui sont juste dingues. Ah, Darwin Cook, qui est quand même super fort. Moi, je me suis arrêté à la moitié. Contradiction. Non, mais en fait, c'est bizarre. En fait, c'est pas parce que c'est pas bien. C'est juste parce que c'est une lecture qui demande. Enfin, je trouve qu'il faut vraiment être posé, tu vois. Je trouve que c'est une lecture d'été. Une lecture où tu as du temps. C'est pas une lecture que tu fais après le taf. Tu as 5 minutes avant que les gamins y rentrent. Tu lis ton truc. C'est pas fait pour ça, je trouve. Et donc, arrivé à la moitié, c'est très bien, c'est génial, mais c'était juste pas le bon moment pour moi, et du coup je l'ai reposé, et j'ai il y a pas tellement longtemps que j'ai commencé à le lire. Et j'attends plus en fait d'avoir un moment pépère, bien à moi, détendu, en gros quand les gosses seront chez mamie. Et là je pourrais peut-être le reprendre, tu vois. Et c'est vrai, mamie, comme tu dis, comme dit Gigos dans le chat, ouais, le personnage de John Henry, il est incroyable. Enfin, il y a une relecture du personnage de Steel, et elle est hyper puissante. Elle est hyper, et c'est une toile de fond dans l'histoire, mais c'est, ouais, c'est, cette interprétation est hyper puissante. Dram, tu voulais en dire un petit mot? Moi, je l'ai lu, mais j'avais adoré graphiquement. Mais dans l'histoire, j'avais trouvé que c'était un gros pavé et c'était assez inégal. Il y a des moments, je trouve que ça alterne entre des moments que j'ai trouvé assez épiques, tu vois, et des moments où je trouve que c'est un peu plus brouillon, quoi. Mais par contre, ce que j'ai aimé dans New Frontier, par contre, c'est le traitement de Martian Manhunter. Oui. Qui je trouve que, et après, bah, Green Lantern, j'ai même envie de dire, en fait, c'est quasiment un récit sur Green Lantern, hein, parce que Green Lantern, il est au centre du. Oui. Il était sur le Jordan, l'histoire. Ouais. Mais c'était, mais je trouve qu'il y a des, tu vois, il y a des moments qui sont. Tu vas avoir 10 pages vraiment épiques, et puis en fait, après, je trouve qu'il y a un côté qui est. Des fois, tu te prends un peu le revers de la médaille et tout. Donc, c'est pour ça que, autant j'avais bien aimé, mais j'avais quand même pas mal. J'avais quelques petites réserves que je pourrais pas. Pour moi, ce serait pas mon summum, quoi. Ce que je vous propose. Alors, en même temps, ce soir, c'est une expérimentation. Parce qu'on est, on est 4. Si on est 4 gros. Enfin, on est 3 gros bavards, plus Sofiane. Il y a un coefficient sur multiplicateur qui est juste en dessous de moi, qui fait que. Ah, moi j'ai compté que je finissais à temps pour commencer mon live de dimanche, hein, donc. On est là, on est bon. On est là. Mais ouais, on va essayer de rester ouais, 5-10 minutes comme ça sur un titre. Ça fait 8 questions, ça fait. Bon, on n'est pas couché. Ouais, effectivement. Voilà. Oh, ça va, ça fait 8 questions, ça fait 3 fois 40, ça fait 2 heures, ça va. Ouais, j'ai abandonné. J'ai failli sortir un boulier pour faire cette opération. Je lui ai dit, laisse Madeleine, convenons d'un truc, ça va être long. Drame, qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, c'est Bendis sur Daredevil. Et voilà, on a eu un point Bendis. Bah, c'est parce que... mais après, de toute façon, c'est aussi... c'est ce qu'on disait tant plus juste avant en off, c'est que pourquoi je prends un run, c'est parce que je trouve qu'un run, c'est... compliqué de faire un run très bon tout du long. C'est-à-dire que quand un auteur se lance sur un titre en 12 numéros, enfin en 12 chapitres, ou en 6 chapitres, je ne vais pas dire que c'est facile d'être bon sur 6 chapitres, mais sur 6 chapitres, tu condenses ton idée, et si tu as un concept fort, ça peut aller vite, et tu n'es pas emmerdé par la continuité, par l'univers, par les events, etc. Surtout, encore plus chez Marvel, où tu as un event tous les 6 mois. Et du coup, être bon sur 6 chapitres ou 12 chapitres, je vais pas dire que c'est facile, hein, parce que ça reste quand même de l'écriture et c'est pas anodin, mais il y en a plein des bons comics en un tome, on va dire. Alors que être bon sur tout un run sur un personnage qui va devoir prendre en compte l'histoire du personnage, son passif dans l'univers et les runs précédents, enfin des auteurs précédents, c'est pas du tout. Eh ben, on saura pas la suite. Eh ben, c'est pas du tout facile, mais... J'avoue, c'est moi, c'est parce qu'il disait du bien de Bendis, j'ai pas supporté. Oui, voilà, j'ai un switch off pour tout le monde. Je sais pas si tu nous entends, Vincent, il y a eu un léger couac au niveau de la connexion. Mais non, du coup, je disais celui de Bendis, moi, il me parle plus parce que comme il s'inscrit en plus dans le polar et dans les enquêtes et thrillers noirs. Du coup, ça fait écho à moi qui aime bien les titres policiers et les enquêtes. Et finalement, on est sur un run qui parle plus de Matt Murdock que de Daredevil, en fait. Et je trouve que c'est là où Bendis est vraiment fort dans son traitement de Daredevil. C'est qu'il traite à la fois le personnage, enfin son alias, comme le personnage de base. Et c'est ça que je trouve vraiment bon. C'est ça qui me plaît le plus, quoi. C'est pour ça que celui-ci... Parce qu'il y a plein de gens qui préféraient avoir le Daredevil que Matt Murdock. Et moi, je trouve qu'effectivement, ce run que j'ai lu aussi, je trouve le trouve puissant et intéressant dans le tribunal, quoi. Et voilà, c'est tout. Au revoir. Et ça reste un bon souvenir pour toi, quand même, du coup, Mills? Ah ouais, carrément. Moi, j'ai lu... du coup, je n'avais pas pu les prendre parce qu'à l'époque, les prix étaient déraisonnables. Ouais. Là, il est ressorti récemment. Et du coup, j'ai les deux premiers. Il y en a 3 qui sont sortis. Je crois que c'est en 4. Ouais. 3. Et le 4 arrive décembre. Ouais, et j'ai adoré, hein, j'ai adoré, mais il y a tellement de trucs à lire qu'on peut pas être partout. Mais ouais, c'est vrai ouais. que c'est cool. Les deux premiers, j'ai adoré. Moi, j'ai lu le premier tome en deluxe, hein, j'entends. Je vais attendre en fait le quatrième volume et pour tout me faire en fait d'affilée. Là, il y a le Papa Noël. Ça fait plaisir. Oui, oh, bon, là, on va même pas attendre Papa Noël. Hein. on va faire confiance à Papa G. Hein, ça va aller tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, hein, puis voilà, du moment où on va pas se mentir. Quand tu rentres chez ton libraire et qu'il te tutoie, qu'il te tape sur l'épaule en disant « Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est, mon copain ?» Donc, tu te doutes que t'es intime. Chéri, commande une nouvelle bagnole. C'est bon, on est parti. Ah bah, je suis un grand financeur de maisons de campagne pour les libraires. Bref. Et toi, Sofiane, tu l'as lu ou pas, du coup ? Ouais, non, mais ça, c'est... Non, parce que ça ferait marrer mes abonnés, parce que du coup, effectivement, j'ai une espèce de feud avec Bendis. Mais ça, c'est le Bendis encore de la bonne époque. Donc oui, et c'est non seulement de la bonne époque, mais en plus sur le genre de personnage qui colle très bien pour un Bendis justement. Sur le noir, moi j'avais déjà adoré ce qu'il avait fait avec quand il dessinait d'ailleurs aussi avec Goldfish et Jinx, qui se passe dans le même univers, qui était vraiment pour le coup du polar noir. Et non, ce qu'il avait sur là-dessus, c'est très bien. C'est après, moi, c'est vraiment après où déjà avec les X-Men, je commence à avoir du mal. Alias, j'ai adoré. Et puis ensuite, bon, Gardiens de la Galaxie, on n'en parle même pas. Puis chez DC, c'était une catastrophe. Et en plus, une catastrophe qui coûtait une fortune par page. Il était à 4 chiffres par page. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin, c'était cinglé. Mais non, Daredevil, là, on est dans du Bendis à son sommet. Et ça reste. Voilà, pour ça que je dis toujours, voilà, oui, je déteste beaucoup des choses qu'a fait Bendis, mais. Ça, c'est vraiment, ça reste un truc culte et rien n'enlèvera ce qu'il a fait à une époque, de toute façon. Et c'est clair, ça fait partie vraiment de l'histoire du personnage. Surtout en plus, Bendis respecté, parce que tu parlais du canon justement de l'avant, de l'après, machin. Bendis qui respecte ça, c'est quand même assez rare pour être remarqué. Donc, pour une fois, moi je dis bravo. Et tu vois, moi je. Enfin, c'est un regret. Alors, maintenant, je voudrais pas qu'il fasse du Batman, mais j'aurais aimé. Qu'à l'époque, il puisse faire du Batman. Quoi. Je suis sûr, ça a été la blague ouf, quand il y a eu le spécial pour Walmart où du coup Tom King qui était sur Batman a fait un titre Superman et Bendis qui était sur Superman a fait un titre Batman et leurs deux runs respectifs, tout le monde les ont détestés, enfin la plupart des gens les ont détestés et par contre leurs spéciaux sur l'autre personnage, ils sont géniaux, ils sont géniaux et ça montrait du bordel. Pourquoi vous avez fait ça? Quelle tristesse. C'est dommage. Peut-être qu'il reviendra un jour dessus. Peut-être. Du coup, là, j'ai perdu le fil. Il nous reste qui ? Il nous reste Mills. Moi, c'est le run du Punisher de Garth Ennis. Voilà. Moi, c'est de 2004, je crois. Alors, et plus particulièrement, alors le run, je le trouve incroyable. Hein. Il a, je ne sais plus qui c'était. C'était Darryl Robertson. Il y avait, enfin, il y a eu énormément de dessinateurs incroyables dessus. Et le premier qui est sorti, qui était une sorte, en fait, qui n'était pas dans la, qui n'était pas, faisait pas partie du run. C'est une sorte de préquel, en fait, qui s'appelait Born. Qui lui avait été du coup dessiné par Darryl Robertson. Au revoir d'un mot. Il revient. Ah oui, d'accord. Okay. Il tente une déco-reco et il revient. Le run, donc là, ça parle en fait du fait qu'ils te mettent en exposition tout simplement le fait que peut-être que le Punisher n'est pas devenu tout simplement le Punisher à cause du fait qu'on ait tué sa famille, mais peut-être qu'il a. Il a chopé ça au Vietnam, quoi, tout simplement, parce que l'histoire se passe en 72, je crois, et la fin du Vietnam, c'est 73. Donc c'est sur la fin, on est à sa troisième mission. Enfin. C'est passionnant, c'est bien amené. Tu sens que bah, c'est dans la collection Max, donc forcément, ça, moi, ça, j'adore ça. C'est hyper vénère. Le run, il est incroyable, hein, qu'il soit dessiné par Love ou Fernandez. Enfin, vraiment, il y a que des bons dessinateurs. Tout le monde reste cohérent en plus. Donc, c'est vrai que ce run, moi, il me touche. Et ce premier en 4 issues qui pose les bases, qui est loin d'être ridicule. Et au contraire, moi, c'est ce que je préfère, en fait. Et malheureusement, c'était un petit peu un soufflet, c'est-à-dire que le premier était tellement bon qu'après, c'est un peu descendu. C'est monté en violence, mais c'est descendu en termes de narration. Et vu que Garth Ennis est l'un de mes scénaristes préférés, si ce n'est le meilleur pour moi, quand il parle de guerre, je trouve qu'il y a personne qui fait ça comme lui, quoi. Et le voir un petit peu comme ça au Vietnam et balancer des trucs de fou. Alors, je regarde les pages parce qu'il y a des trucs vraiment gore et je pense que tu te fasses strike. Mais de rien. Non, mais cadeau. Et du coup. Du coup, c'est un peu comme un film, quoi. C'est un buddy, enfin, c'est une sorte de buddy movie, mais sauce sombre, tu vois. Et j'adore ça. C'est vraiment des films qui ont bercé ma jeunesse, comme, enfin, tous les films un peu nanardesques, si tu veux, où il y avait Bruce Willis ou De Niro. Enfin, tu vois, il y a plein de films comme ça. Et en fait, tu retrouves totalement cette essence-là. Et c'est pour moi une ode au cinéma des années 90. Vraiment, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est un run que je conseille à tout le monde, toutes les personnes qui ne connaissent pas le Punisher. Le run de Steve Dillon et Garcini, c'était très bon, mais le dessin peut vraiment déplaire à certains. Buter. Ouais, moi j'adore le dessin de Dillon parce que les gens comprennent. Quand tu comprends que c'est fait exprès, que c'est voilà, tu comprends l'intérêt de dessiner comme ça. Parce que le mec, tu vois quand il dessine autrement, quand il dessinait, parce que malheureusement il est décédé. Ouais. En fait, il avait vraiment un coup de crayon incroyable, différent de ce qu'il a fait avec le Punisher. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. En plus, si vous aimez The Boys, enfin les dessins et compagnie, donc c'est la même frappe. Et puis c'est bourré de références. Et ouais, tu sens que le mec il a kiffé. Puis bah Garcini, s'il connaît le Punisher de toute manière, il a déjà fait le run avec Dillon avant. Et puis le mec il est resté plus de 14 ou 15 ans, je sais plus, sur le run. Enfin, c'est énorme, j'ai même plus les chiffres en tête, mais c'est giga. Donc, moi, c'est ce run là que j'ai adoré. Voilà. Et ça, on l'a pas dans intégrale. Les. Ah, c'est en intégrale. Ouais, ouais, il y a différentes intégrales. Il y a l'intégrale de Aaron. Moi, j'ai l'omnibus de Dillon, mais je pense qu'il y a deux tomes, je crois, qui doivent exister pour ce run là. Et deux tomes aussi pour celui-ci là. D'accord. Et vraiment, ça, c'est. Enfin, moi, c'est mon personnage Marvel favori, donc. Mais c'est le run que. Voilà. S'il fallait en choisir qu'un, ce serait celui-là. Et ouais, c'est encore dispo, ça, à l'achat ? Ah ouais. Oui. Tu retrouves les deux gros... Enfin, pas omnibus, mais tu sais, une sorte de gros... En icons. Ouais, icons. Pour 36 balles, t'as les deux sur le bon coin, par exemple, tu vois. D'accord. Et même, de toute façon, il est... Neuf, hein. Ouais. Et Panini, les icons que j'aime. Tu sais qu'ils avaient fait trois icons. C'était pas ceux-là ? Non, toi, t'as Aaron, je crois, en icons. J'ai un Aaron et j'en ai trois de Garcenis. Et ils les font en icons, en tout cas. Ouais, du coup, c'est peut-être lui. Hein. Faut que je vérifie parce que je les ai achetés il y a une paye et je les ai toujours pas lus. Et moi aussi, ils me font de l'œil depuis longtemps dans ma librairie. Pour info, il y a un préquel, donc ça, c'est une sorte de préquel au run de Garcenis et comment il s'appelle Parlov et compagnie. Et en fait, ça, c'est le préquel de cette série-là. Et il y a le préquel de ça qui s'appelle Platoon. Qui te raconte la deuxième mission. Enfin, c'est incroyable. Et en, fait, en France, pratiquement tout a été édité sur le Punisher. Ouais. Donc ça, c'est ça régale pour moi. Quoi. Et j'attends le prochain qui arrive en janvier. Panini, okay. Bon. 25 euros. On va s'envoyer les liens, tout ça, tu vas me montrer. Oh, ouais. Parce que, si tu veux, là, je sors d'une lecture un peu difficile. Et j'ai besoin de me refaire. Là. Et... Je sais pas s'il y en a un qui l'a lu, qui a envie de réagir. Non, moi ça me fait de l'œil depuis longtemps, effectivement, ce run-là. Par contre, tu m'as juste fait peur sur un truc. C'est le même dessinateur que The Boys ? Ouais, Robertson, c'est pas lui qui a dessiné The Boys ? Robertson, non, c'est The Boys. C'est quoi, la raison pour laquelle j'ai pas pu lire The Boys, c'est que dès les premières pages, les dessins, j'accrochais pas du tout. Quoi. Ah ouais, bah faut aimer, après c'est voilà. C'est ouais, c'est visage et tout, j'ai vraiment du mal. Mais mais par contre, ces runs-là, il faut bah tant pis, mais je les lirai quand même. Ah, c'est ce genre de visage-là, tu vois, donc c'est clairement The Boys, hein. D'accord. Ouais, oui, on est là-dessus. Hein, voilà. Mais non, mais ça, c'est, voilà. Hein. C'est que le premier tome. Hein, y en a 10, moi, j'ai 18 comme ça là, qui sortaient à l'époque en max. Là. En 100%. Là. Enfin, les anciens 100%. Ouais, les anciens. Oui, ils les ont tous dans mon Easy Cash, ceux-là, justement. Et après, c'est différent. C'est quand même un peu plus fin, un peu moins. Pas grossier, parce que j'aime beaucoup son dessin, mais c'est un peu plus artistique, on va dire, un peu moins mainstream. Quoi. D'accord. Voilà, bisous. C'est un live qui est dangereux, hein, vraiment, parce que ça, c'est un coup. À la fin, on va dépenser du pognon. Ouais. C'est des lives où on se fait envie. Et c'est pas bien ce que vous faites. qu'est-ce que j'ai choisi, moi, pour moi ? Je suis obligé de choisir Futur Imparfait. Futur Imparfait, c'est une histoire en fait en deux épisodes qui est sortie en 1993 au scénario Peter David, au dessin le regretté Georges Pérez qui nous a quitté cette année, si je ne dis pas de bêtises, en début d'année. Et tout le monde connaît plus ou moins Futur Imparfait, mais s'il y en a qui ne connaîtraient pas, imaginez qu'il y ait des gens d'un futur possible apocalyptique qui viennent chercher le Hulk de notre époque, enfin de l'époque des années 90, où c'était le professeur Hulk, donc la version ultime du professeur Hulk, qui viennent le chercher pour venir affronter dans le futur un adversaire absolument colossal, inarrêtable, un putain de tyran. Et on va s'apercevoir au fil des pages que cet adversaire absolument colossal et ignoble dans ce futur apocalyptique, la Terre a été dévastée par une guerre nucléaire, cet adversaire n'est autre que lui-même. Et on va se retrouver en fait avec Hulk contre ce qu'on appelle désormais bah, le Maestro, qui est donc une version futuriste de Hulk, qui est une espèce de Docteur Fatalis, complètement taré, tyrannique, jusqu'au boutiste, qui est prêt à toutes les bassesses, une merde intégrale, et ça va être le choc en fait de ces entre ces deux titans. Et au-delà de l'affrontement titanesque qui peut y avoir en fait entre eux, j'aime beaucoup en fait ce que ça raconte, la manière dont c'est scénarisé, la manière dont c'est dessiné. Et puis au-delà du scénario, j'ai juste envie de prendre quelques secondes pour parler de George Pérez, qui encore une fois, parce que j'adore parler de George Pérez, qui est un dessinateur absolument incroyable. Et c'est vrai que notamment sur cette toute petite mini-série, ces deux épisodes, a fait quelque chose d'extraordinaire, absolument merveilleux, et qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'incroyable Hulk avec ces deux épisodes. Et je regrette beaucoup, évidemment, qu'il nous ait quittés, et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas, je trouve qu'il n'y a pas un autre dessinateur que George Pérez. George Pérez était unique, pour la simple et bonne raison, c'est que il n'était pas là en fait pour dessiner vite, il était là pour dessiner bien, il était là, lui, il aimait dessiner les choses au premier plan, au deuxième, au troisième, au quatrième plan. Il adorait aller toujours plus loin dans le détail, et ça donnait des pages absolument incroyables. Et il y a notamment une page dans Futur Imparfait qui est folle. Il y a une espèce de musée des super-héros, où on va retrouver en fait sur tout un tas d'étagères des restes d'équipements de super-héros ou alors de vilains, et tous les lecteurs en fait de l'époque se sont amusés à s'arracher les yeux en fait sur cette page là parce que le mec en fait dessine tout, et sur chaque étagère il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'easter eggs possibles. On va retrouver au fond de la pièce le squelette en adamantium de Wolverine, on va retrouver les débris rocailleux en fait de Ben Grimm, une tête de sentinelle, une espèce de bras articulé du docteur Octopus, plein de trucs, un trident cassé de Namor, et on s'est arraché les yeux dessus, c'était absolument magnifique. Et George Pérez, tout ce qu'a fait George Pérez pour moi est absolument sacré, et j'ai adoré ce comics. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Je vous méprise. Non, parce que tu dis, George Pérez, c'est tellement vrai. Ça m'est déjà arrivé de lire un truc, je prends un comics dans ma bibliothèque, sur le coup je ne fais pas attention à qui était au dessin ou quoi, et d'un coup, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était sur le Ultron... Je sais plus c'est quoi, c'est Ultron Unlimited ou Ultron Forever, un truc comme ça. Et où à un moment, je tombe sur une double Avengers page. Avengers Forever. Je tombe sur une double page absolument hallucinante avec des Ultrons de partout, mais des détails de partout. Je me suis dit, ah, ça doit être George Pérez. Oui, effectivement, c'était George Pérez. Tu le sais. Enfin, tu vois des pages, des doubles pages comme ça, tu sais directement que forcément c'est lui, quoi. C'est hallucinant. Enfin, vraiment, non, ça y a un talent incroyable. C'est juste une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est un monstre. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit truc, les gars. Bah, tu me donnes bien envie, en fait, c'est ce que tu disais avant. Hein. Ça, c'est pas bon comme genre de live, ça. Oh, c'est encore facilement trouvable dans la version semic des top BD, où il y a même un petit 100% Marvel. Et sinon, c'est disponible dans l'intégrale 93. Quelle année? Parce qu'il y en a deux, que je ne dise pas de bêtises. Prends ton temps, GG. Après tout, on est chez toi. Hein. Faisant, mon petit Michel. On va aller faire une petite tisane. Intégrale 93, tome 2. Voilà. Et ça, c'est vraiment du tout. Je note. Et voilà. Eh putain, 29 minutes, on a fait la première question. Ça nous fait rendre à 3h du matin, cette histoire. Ouais. On est pas mal. On est pas loin. Et vous êtes 59 sur le chat. Vous voyez, ouais. Mon air con et ma vie basse et mes concepts à 2 francs. Eh alors. Salut tout le monde. Salut tout le monde, et ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, pensez à vous abonner aux chaînes de DeviantProd et de la Cave Limite. C'est très important. Enfin, c'est important. Créer une important, chaîne Dramout. Oui, release de Dramout Channel. Le Dramout Vert. Ce serait bien. J'adorerais qu'il fasse des podcasts, mais il finira. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On peut passer maintenant à la question, votre comics indépendant préféré. Et bon, on va rester dans cet ordre-là, ça vous va? Ou non, vous voulez qu'on change? Non, c'est bien comment? Eh ben, mon cher Deviant. Eh ben, allez. Bah, du coup, j'ai choisi. Ah, c'est une série, c'est vraiment. Je sais pas, elle a ouvert quelque chose chez moi sur le sur l'amour de l'indé. Vraiment. Elle a une place un peu à part de ce côté-là. C'est Y de Last Man. C'est. Ah. Brian Kevogan, Pia Guerra au dessin. Et vraiment, cette série, je sais pas, elle a eu un effet sur moi le jour où je l'ai découverte. Donc c'est. Ah bah, voilà. C'est une série qui est parue de, jusqu'en 2008, je crois, de 2002 à 2008. Et. Ça raconte l'histoire. En gros, ça va se centrer sur un personnage qui s'appelle Yorick et son petit pote qui n'est autre qu'un capucin, qu'un petit singe. Et ça va tomber au moment où, on va dire la moitié à peu près, un peu moins de la moitié de l'humanité va disparaître, vu que tous les hommes vont juste mourir, tout simplement, sur Terre. Et du coup, Yorick se retrouve le dernier homme sur Terre, d'où Y, The Last Man. Tous les anglophones auront compris. Et voilà, on va suivre du coup son cheminement à lui, qui va vouloir aller retrouver du coup sa petite amie, qui à ce moment-là est assez loin. Mais c'est surtout aussi, voilà, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe dans une société où d'un coup, plus de la moitié de la population disparaît, en fait. Que ce soit politiquement, comment ça se démerde dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau... Et ça raconte plein de choses, et c'est hyper prenant, et vraiment, ouais, c'est la première fois où j'ai eu un titre à ce point-là, un titre indé, hors super-héros, tout ça, qui vraiment m'a fait rentrer dedans, dans un truc qui m'a fait le même effet que les meilleurs romans, enfin, que les très bons romans que j'avais lus avant, ou les très bonnes séries que j'avais vues, de « bordel, faut que je continue, quoi, vite, vite, le suivant, je peux pas m'arrêter », et je sais pas, j'ai bouffé ça d'une force, et vraiment, ouais, ça a développé mon amour pour l'indé, et ça m'a fait comprendre à quel point, vraiment, ouais, on pouvait trouver des séries extraordinaires en indépendant, quoi. Donc non, je dois pas mal du coup à Y de Last Man pour le coup. Et surtout la fin est, enfin, est satisfaisante. Oui, la fin elle est bien. Oui. Ouais. J'étais mal à la fin en plus, en mode je veux pas que ça s'arrête. T'es ce truc de voilà, t'as aimé une œuvre et tu t'as pas envie qu'elle s'arrête. Et en même temps t'as cette dernière planche qui est magnifique. Alors il y a eu effectivement une tentative de série qui a duré qu'une saison. Bah, et en plus ça a été annulé donc. Oui, voilà, il n'y a qu'une saison en plus, donc ça ira jamais à la fin. Donc ça voilà. Ça avait foutu les boules parce que, enfin, moi je trouve que la série sur FX, elle passe assez bien, quoi. C'est pas, ça vaut pas le comics, mais tu vois, pour retranscrire un comics qui a quasiment 20 ans en série, qui avait quand même ses codes et tout, je trouve que, oui. Tu vois, je trouve que c'était réglo. Je trouve ça dommage qu'ils soient pas allés au bout du coup, quoi. Et je trouve non, vraiment, ouais, c'est ça, c'est comme les bons thrillers, comme toutes les bonnes histoires, vraiment, effectivement, c'est hyper fluide et tu peux pas t'arrêter, tu sais pas ça tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, il y a moyen de dépenser moins d'argent parce que pour le coup, il sort en collection Nomade. Ouais, en janvier. Il est dans la prochaine vague de la collection Nomade. Donc justement, c'est une bonne occasion de l'avoir à moindre coût. Bah, ça sera deux tomes, c'est top, quoi. Deux tomes dans la deuxième vague et après, ça sera un tome par vague, je crois. Voilà. Et vraiment, ouais, si vous voulez voilà, enfin, tout le bonheur d'une excellente série, mais à lire, bah, c'est Y The Last Man. Ça passe vraiment tout seul et c'est hyper prenant. J'ai jamais lu non plus, j'en ai entendu souvent parler, mais putain, pas tout lire, quoi. Et j'avoue que ça fait quand même bien envie, quoi. C'est ça qui est terrible, on a tous des classiques qu'on a envie de lire. Le live de la frustration. Ouais. et bah du coup, là, on passe sur Drame, du coup. J'avais joué en Antigonal. Et moi, je reste... Bah, le pire, c'est que moi, c'est pareil, parce que Vaughan, c'est mon scénariste préféré. Et du coup, au début, en fait, j'hésitais avec Y, avec Saga, et j'ai terminé avec Ex Machina. Parce que Ex Machina, c'est une série qui est sortie pareil en 5 gros pavés chez Urban, même collection que Y, etc. Et c'est une série en fait qui était sortie à l'époque chez Wildstorm et pas chez Vertigo, et qui sortait en fait en parallèle de Top 10 de Alan Moore, de Planetary de Ellis, et juste après le Authority de Ellis et de Millar. Et qui se retrouve, ça rentrait dans toute cette période où Wildstorm questionnait en fait le rôle du super-héros et questionnait la place du super-héros dans la société. Et c'était un complément, c'est-à-dire que souvent il y avait vraiment les trois-là, c'est-à-dire que quand on prenait The Authority, top 10, ou enfin top 10 de Moore, où tout le monde est un super-héros avec le commissariat et Ex Machina, il y a tout ce rapport en fait au super-héros, parce que du coup, dans Ex Machina, on va suivre en fait un super-héros qui est un peu, on va dire, empêché le 11 septembre et qui devient maire de New York, et qui est capable, qu'on appelle la grande machine, et qui est capable en fait de contrôler tout ce qui est mécanique. Et il y a beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui, enfin, déjà, est-ce qu'il est arrivé là par lui-même ou est-ce que c'est ses pouvoirs, il s'est joué des gens, etc. Il y a toujours un peu de méfiance. Mais c'est surtout un moment où le moment où le titre est sorti, c'est ultra précurseur sur tout le discours, sur tous les discours par rapport à la société, par rapport à la sexualité, homosexualité, la place des minorités dans la société, la place de certaines professions, toutes ces choses-là, et ça questionne énormément sur le regard d'autrui en fait dans la ville, dans notre vie de tous les jours. Et je trouve que c'est, pour moi c'était une masterclass, c'était un kiff absolu quoi. Mais après moi tous les titres de Vaughan, je les dévore de la première page à la dernière page quoi. Donc c'est vraiment ça fonctionne à chaque fois sur moi quoi. Ça m'étonne pas, mais je l'ai pas lu pour le coup. Putain, tu m'as trop donné. Non plus. Ouais. Pareil. Et voilà, on l'a pas lu. mais putain, il y a trop de trucs comme tu dis. Tu sais, j'ai limite envie d'ouvrir une page Amazon sur le côté puis de racheter dans mon panier à chaque fois en fait. Ah ouais, on fait ça et puis on voit combien on en a pour la page. Eh, ça pourrait être sympa à faire. Ça pourrait être sympa. Et après, je clique en live. Et je clique en live. Pas, quoi. Ma femme va recevoir une notification, elle va arriver dans la cave. Paiement en 12 fois. C'est bon. C'est possible. Non, mais c'est aussi intéressant de voir la notion qui est importante aussi dans certaines œuvres. Qu'est-ce qui font que les œuvres sont restées, enfin que ce soit pour nous en tant qu'acteurs ou dans le temps, quels sont les éléments en plus qui sont restés, tu vois ce que je veux dire. C'est plus facile des fois de dire, tu vois, t'as une œuvre qui est sortie il y a 20 ans qui est bien et que t'aimes parce qu'en fait elle a duré dans le temps et tu trouves que c'est encore d'actualité, etc., que forcément de se faire un constat sur les œuvres récentes. Donc forcément il y a un truc où quand on en parle, ça réveille encore plus par rapport à nos autres goûts, quoi. C'est logique. Ah, c'est cool ça. Mais bon, c'est un filon. Inépuisable. Ouais. Inépuisable. Pas comme nos comptes en banque. Qui sont largement épuisables. Et toi, du coup, pour toi, Mills, ton comics Joe The Barbarian ou Joe l'aventure intérieure de Grant Morrison que je ne peux pas blairer à la base. Moi, je trouve beaucoup trop complexe, beaucoup trop trituré, beaucoup trop. T'as vu, beaucoup trop drogué. Un élément dans Batman qui a 30 ans, bah, ferme-la, ça me saoule. Et Sean Murphy au dessin, que pour moi c'est un boss. J'adore Sean Murphy. Et à la couleur, je sais plus, c'est Dave Stewart. Let's go quoi. C'est tout simplement magnifique et ça. Enfin, l'un des, moi, c'est ce que je lis le plus, voilà, clairement. Donc j'ai eu vraiment du mal à trouver, mais c'est vrai que ce comics-là, je l'ai lu dans les premières années où je lisais des comics et ça m'a bouleversé vraiment. C'est un comics qui parle d'un gamin qui vient de perdre son père, sa mère doit faire des déplacements pour aller trouver une nouvelle maison et du coup il se retrouve à faire une espèce de sortie scolaire et il se fait un peu chamailler par des énormes connards et tout simplement il va perdre ses friandises. Et ce mec là a du diabète, Joe, et du coup il va rentrer chez lui un peu il va manquer de sucre. Et il va se poser dans sa chambre et au moment où il va faire une crise, tout le monde va se transformer dans sa chambre et va passer du réel au fantastique en un claquement de doigts quoi. Et c'est incroyable. Alors c'est cette scène-là, je spoil rien de toute façon, c'est tout début, c'est la quatrième page. C'est magnifique, c'est vraiment un tour de maître. C'est hyper bien écrit, je trouve que pour une fois... je trouve que Grant Morrison, pour une fois, il s'est abaissé un peu à notre niveau. Merci, monsieur. Tu vois, et le mec nous a sorti un truc où il ne nous prend pas pour un con. C'est pas une raison, tu vois. Mais hyper intelligent, hyper intelligible. C'est quelque chose qui est à la portée de tous, qui nous sensibilise sur ce genre de problème. Et puis, c'est clairement, encore une fois, une ode à la pop. Il pose la doudoune. C'est une ode à la pop culture en fait. C'est, tu retrouves du Transformers, tu retrouves du Tortue Ninja, tu retrouves plein de références en fait, Batman, Superman, enfin bref, tous les jouets qui est dans sa chambre et compagnie. Et c'est magnifique, hein, vraiment. Si vous l'avez pas lu, c'est une claque incroyable. Les dessins de Sean Murphy, c'était dans ses débuts, il me semble. Oh, c'est dans ses tout premiers titres là. Ouais. Franchement, c'est à ce moment-là qu'il s'est révélé clairement. Enfin, les dessins n'ont rien à envier à Curse of the White Knight ou. Ce qu'on a pu en voir du prochain Murphyverse. Et ouais, c'est magnifique, les couleurs de Dave Stewart, c'est toujours une réussite. Et puis moi j'aime beaucoup, enfin c'est vraiment magnifique, enfin franchement c'est incroyable. Même le quartier, il donne, tu vois, il a une gueule, il a une âme. Et quand tu arrives dans sa chambre et qu'en fait, du coup, bah, le but du jeu, c'est d'aller dans la cuisine pour choper à bouffer, quoi. En gros, le gamin, il va pas bien. La fin est incroyable. C'est incroyable. Enfin, vraiment, ce comics indé est incroyable. C'était sorti chez Vertigo, il me semble. Donc, chez Urban, je sais pas si ça se retrouve encore dans ce format-là, mais moi, j'avais acheté il y a un moment. Ouais, ça se retrouve. Donc voilà, je vous le conseille à toutes et tous. C'est l'un des rares titres que j'ai en VF et en VO. Yes. J'ai pris les deux, moi. J'ai Putain, moi, y a un paquet de titres où j'ai fait de la merde, hein, je te le dis, où je les ai en deux, trois exemplaires. Hein, bref. Tu l'as vu, toi, Deviant ? Non, non, mais ça me donne vachement envie, pour le coup. C'est, alors, j'ai un peu moins de problème avec Grant Morrison que beaucoup, même si j'aime pas tout. Mais là, ouais, non, tu m'as grave donné envie. Franchement, ouais. J'ai super envie de dire ça. Et toi, j'ai dit, dans le panier Amazon. Non, je ne l'ai jamais lu. Et non, mais c'était quoi, toi, ton titre ? Ah, pour moi, mais qu'est-ce que t'es bon, toi ? Putain, mais vous avez vu ? Vous avez pas vu ? Ça, footballistiquement, c'est amorti de poitrine, plat du pied. Saint-Étienne, en ce moment, c'en est où, là ? Alors, mon comics indépendant préféré. C'en est où, c'en est où ? Ça pue la nationale, cette histoire. Oh, en toute honnêteté, je m'en fous. Mais alors, hein. Oui, non, mais j'aime pas le foot. J'ai juste vu ça ce midi en bouffant. Je dis, tiens, Saint-Étienne. Putain, mais ils ça, je se... Oh, putain. Il y a pas une équipe au volet, ça. Mais par contre, ça pèse, hein, quand même, sur l'ambiance de la ville. Hein. Qui est déjà globalement morose. Donc, ouais, compliqué. Bah, petite année ouais. Pour Saint-Étienne. Toute petite, toute petite. Bah, au pire, tenter le concours de maire de l'année, on verra bien. Hein. Alors là, par contre, je peux pas m'exprimer là-dessus. Mon comics indépendant préféré, donc moi, c'est Hulk Futur Imparfait. On va peut-être pas la faire. Je pourrais la faire à chaque fois, celle-là. J'hésite pour le comics indépendant. J'hésite entre deux. J'hésite entre Black Hammer et Lock and Key. Mais je vais pas dire Black Hammer parce que j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Mais je dirais que Lock and Key, rétrospectivement, c'est peut-être le comics indé qui m'a mis une des plus grosses claques dans ma vie de lecteur, ouais, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré le principe. Je me suis vraiment, vraiment attaché à l'histoire de cette famille où le papa meurt, en fait, d'une manière atroce dès les premières pages. Et j'ai adoré cette espèce de... C'est pas un huis clos, c'est pas ça, mais c'est une espèce de d'univers qui tient finalement... quasiment que dans la maison et dans les environnements. J'ai adoré ce délire de portes, de clés. Je me suis attaché au petit garçon. Je me suis attaché à chaque membre en fait de cette famille. Et cette histoire, je l'ai trouvée vraiment, vraiment bien. Paradoxalement, c'est vrai que quand je l'ai feuilleté et que j'avais vu les dessins sur le papier, normalement, ces dessins, ça ne fait pas partie de mes trucs préférés. Et ça fait partie de ce genre d'œuvre où quand tu le refermes, tu ne peux pas imaginer en fait, que ce soit dessiné par quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je ne peux pas. C'est juste en fait, le bon auteur avec le bon dessinateur au bon endroit, au bon moment et qui te sorte un petit truc comme ça. Pour moi, suspendu dans le temps. En plus, à l'époque, moi, j'avais réussi à avoir les éditions de Milady, qui étaient en trois tomes, magnifique édition, un peu ambiance vieux livre, un peu vieux grimoire, magnifique, beaucoup plus sympa et beaucoup plus lisible que les espèces d'énormes pavés omnibus là de 8,4 kg. Voilà. Enfin, donc, j'ai adoré Lock and Key. Par contre, moi, voilà, je me suis arrêté à Lock and Key. Je crois qu'il y a eu une espèce de suite ou des épisodes en plus qui sont sortis il y a pas tellement longtemps. Et j'ai pas ressenti le besoin en fait d'aller dessus. Pour moi, tu vois, je suis resté sur Lock and Key, l'histoire d'origine, et ça me va très bien. J'ai pas forcément envie d'aller voir plus loin. Non, mais je sais pas si vous l'avez lu. Pas tout. Même pas, non. C'est pareil, c'est sur ma liste, mais bon, c'est tellement de lecture déjà. Un jour, il faut que je me décide de la lire de A à Z. Je trouverai le temps. Un jour, ça arrivera. Bah, c'est vrai que l'omnibus. Moi, j'ai arrêté parce que l'omnibus est sorti. Mmh. Et je me suis D'accord. dit, putain, j'ai pris les trois premiers, je crois. Et j'ai vu le livre, j'ai fait, waouh, ouais, il est trop beau. Et en fait, du coup, j'attendais le Papa Noël passe. Voilà, c'est tout. Et pour du 2025, du coup, maintenant. Enfin, on en est sur des listes. Il va falloir peut-être choper le Papa Le Bon Coin. Ou Papa Vinted. Et toi, Dramsy, toi, tu l'as lu. D'ailleurs, tu nous avais niqué à un moment donné, à l'époque de la rubrique Geek, tu nous avais niqué notre Lock and Key. Toi. Il avait relevé une incohérence. Il y a une incohérence qui niquait vraiment toute l'histoire à partir de la moitié, donc ça m'a foutu, ça m'a énervé. Et il nous a niqué notre truc. Je me rappelle plus ce que c'était, mais il y avait Spider-Man et moi, et la Parapluie B, il nous a dit, ouais, mais ça, s'il y a lui qui rencontre lui dans le truc, tac, tac, tac, tac, il nous avait démonté le truc, ça tenait plus debout. Et on était restés comme deux cons, comme ça. Ah, putain, il nous a niqué le Ken Kill, enfoiré. Et voilà, on est très déçus. Le bon pote. Ouais. Mais par contre, moi, les dessins de... Putain, c'est Gabriel, je sais plus comment il s'appelle. Alta. Putain, je me rappelle. Mais les dessins, moi, je trouvais ça sympa, mais moi, par contre, les dessins, je les avais pas trouvés transcendants, tu vois. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas transcendant, ouais. Mais c'est juste ce qu'il faut, je trouve. Après, il s'applique hein, quand même, hein, le garçon. Faut pas... C'est vrai qu'il a des visages assez cartoon, au final. Mm. Et qui colle pas avec forcément avec l'ambiance, tu vois. Et pourtant, Gabriel Rodriguez. Merci Papa Comics, Jérém Papa. Bien wesh. Dis donc, on n'aurait pas fini la partie indé. Putain, on est bon là. Mais c'est fou. Ça va vite. Putain, là, j'ai l'impression que je vais pouvoir aller au lit avant ma retraite, quoi. Et on passe à votre BD préférée. Compliqué, la celle-là. La bande dessinée. Ah ouais, putain. Ouais, compliqué aussi. Normalement, j'ai trouvé un moyen de triplement tricher sur celle-là. Je suis assez fier de moi. Il n'y a pas envie de faire un Monopoly avec toi. Non, mais parce que, en fait, dans ma tête, déjà le truc, c'est qu'il y a deux titres pour moi que j'ai du mal à dissocier, en fait, dans ma tête, pourtant, qui sont de deux auteurs très différents, tout ça. Mais je sais pas, pour les deux titres, je les ai vraiment associés dans mon esprit. Et du coup, je triche triplement parce que, déjà, on pourrait considérer que c'est du comics. Sauf que c'est vraiment sorti en format BD et que ça a vraiment tout d'une bande dessinée. Et que d'ailleurs, dans ma librairie, c'est au rayon bande dessinée. Donc, je peux faire témoigner mon libraire si jamais on ne me croit pas. C'est Léla Star. Effectivement, il est derrière le rideau. Mais c'est Léla Star, du coup, de Ramvi et Philippe Andrade. Philippe Andrade, qui est un artiste portugais, pour le coup. Ramvi, un auteur anglais, qui est un de mes petits chouchous. Clairement, un de mes petits favoris et que j'ai eu en interview. J'ai eu la chance d'avoir une interview sur la chaîne. Et j'adore Léla Star, enfin, c'est juste visuellement, c'est absolument magnifique ce que fait Philippe Andrade pour montrer un petit peu. Enfin, c'est très coloré, c'est très. En gros, le pitch, c'est donc on est vraiment comme très souvent avec Ramvi, on est vraiment dans la mythologie indienne. Ouais, puis dans la culture indienne, vraiment sa culture d'origine. Et en gros, c'est la déesse de la mort qui perd son emploi parce qu'un petit bébé vient de naître. Qui est en fait celui qui plus tard découvrira l'immortalité. Ouais, mais non, c'est Orion bande dessinée, c'est Orion bande dessinée. Non, mais sois patient, Julien, il nous a dit qu'il nous avait préparé une triple douille là. Oui, oui, une triple douille en plus. Et vraiment, ça, voilà, ça traite de ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie, c'est hyper jouissif à lire, enfin, c'est vraiment, ça t'emmène, c'est magnifique. Et je l'associe tout le temps avec un autre titre, et alors c'est rigolo parce que l'autre titre, par contre, c'est de la bande dessinée, mais qui ensuite a été édité aussi. En comics chez Dark Horse, je crois, chez Image ou Dark Horse, je crois que c'est Dark Horse, qui s'appelle Carmen, par Guillermo March. Eh bah tiens, il va nous le sortir, Ramon. J'adore Carmen. Et je trouve qu'il y a des côtés très proches dans les thématiques, en fait. Avec, c'est une jeune fille, c'est magnifique. Donc, qui est auteur et... Ouais, il est auteur et dessinateur dessus, Guillermo March. Et donc, ouais, c'est sorti d'abord en bande dessinée en Europe et ensuite c'est sorti en comics aux États-Unis. Et ouais, complètement, j'assume. Chez Image, c'est sorti. Ouais, voilà, c'était chez Image. Et dans les deux, et là, donc, dans Carmen, c'est une jeune fille qui, en fait, va tenter de se suicider et qui va, du coup, rencontrer une espèce de. Une femme qui est une espèce d'entité, en fait, d'avatar de la mort, on ne sait pas trop exactement, et qui va s'attacher à elle et qui va tenter de lui faire découvrir la vie après sa mort, en fait. Et lui faire vraiment... Essayer de lui faire découvrir le goût à la vie. Et pareil, c'est magnifique. C'est hyper prenant. Et vraiment, ces deux séries, je trouve qu'il y a des sentiments hyper proches. Enfin, moi, j'ai ressenti des trucs hyper proches, en fait, en lisant les deux. C'est pour ça que je les rattache vraiment dans mon esprit. Donc voilà. Moi, c'est mes deux BD. Du coup, j'aurais pu en dire plein d'autres. J'avais envie de dire du Label 619 aussi, évidemment. Il y avait d'autres trucs que j'avais envie de dire. Mais voilà, les deux-là, elles m'ont vraiment... Je sais pas, elles m'ont ému. Elles m'ont fait un truc et... J'avais envie de parler de celle-là, du coup. Et pour le coup, Carmen, c'est vraiment de la BD. Parce que Carmen, oui. Ça a vraiment été édité par Dupuis au départ. C'est vraiment une œuvre. C'est ça. C'est vraiment une commande franco-belge hein, au départ. Et comme ça a fonctionné, comme beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de BD hein, qui sortent aux États-Unis sans qu'on le sache forcément. Oui. Mais c'est vraiment, pour le coup, lui, c'est vraiment une des BD. Autant Layla Star, tu nous as mis une douille, mais autant Carmen, oui, tu joues. Mais du coup, une moitié de douille, parce que l'autre, voilà, ça va. Une mi-douille. C'est ça, on se met bien. Non mais je te comprends. Moi, Lilay Star, je l'ai pas lu, mais je l'ai mis dans la liste parce que je l'ai vu revenir tellement de fois justement que du coup, je pense que je vais me laisser tenter sur le truc parce qu'en plus quand je l'ai feuilleté à ma librairie, c'est quand même beau en plus à l'intérieur. Il y a un truc, les couleurs qui ressortent un peu. Il y a une sorte un peu de côté pastel. Enfin, je sais pas si tu vois ce que dire, mais oui, complètement. Ah oui. C'est pas du pétant et tout. Ça attire le regard. Enfin, c'est vraiment. C'est joli. Et puis ce format grand là pour essayer de concurrencer la bande dessinée, c'est parfait quoi. Urban, ils ont géré quoi. Non, c'est vraiment magnifique. Hein. Mmh. Andrade a fait un magnifique travail dessus. Ouais. Qui est passé en France, ça fait longtemps pour signer. J'avoue que c'est beau, mais il y a tellement de trucs bien, putain. Non, mais Ramvi s'entoure toujours de dessinateurs que je trouve extraordinaires, de toute façon. Et je parlais de ça avec un mec là sur Nantes. On vit, je pense, à mon sens, hein, une ère d'or de la BD et du comics en général. On se rend pas compte, mais il y a tellement de trucs de dingue qui sortent que. Aussi. On se plaint beaucoup, mais en réalité, il y a des choses extraordinaires qui sortent vraiment. Il y a aussi des trucs pas terribles, ingé. Oui. Mais bon. Mais il y a du très très bon. Mais après, tu me diras, de toute façon, il y en aura tout le temps eu. C'est, tu sais, en fait, tu sais ce qui reste. Alors, quand les années passent, c'est, tu vois ce qui reste et qu'est-ce qui a été oublié, entre guillemets. Hein. Je crois qu'en dehors de Marvel et DC, oui, il y a des trucs vraiment, vraiment exceptionnels. Je trouve que chez DC, notamment, tu vois, ces dernières années, on a une foule de dessinateurs, mais qui sont juste incroyables. Incroyables. Mais au niveau des scénarios, pour moi, on est à la tournée des chemins. Hein. Alors, commencer à recréer des personnages, tu vois. Oh, bah, écoute, de toute façon, moi, je pars du principe que quand Batman a 18 Robin, il y en a 17 de trop. Hein, mon... Arrêtez de faire de la merde. Mais bon. Du coup, c'est à qui ? Drame. Mais c'est à Drame. Moi, c'est compliqué parce qu'en fait, je voulais justement. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des BD, moi, je me retrouve avec des Spirou, avec des Gaston, des trucs comme ça que je sors tout le temps. Et, ou sinon, c'est Label 619 que je sors à tout va aussi. Donc, j'ai fait tellement de propagande pour Label 619. Mais d'ailleurs, ce ne serait pas l'instant teasing ? Oh, waouh ! Vas-y, la semaine prochaine, il n'y aura pas une vidéo qui va sortir où on est en duo tous les deux pour parler de Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir ? Eh bien, si. Ça alors, c'était l'instant teasing. Et c'est. Non, mais j'ai fait tellement de trucs, je me suis dit, bon, bah, Label 619. C'est pareil, j'ai fait tellement de propagande qu'il faut que je prenne autre chose, tu vois, que je fasse l'effort de changer. Et je pense que je vais rester quand même dans ce qui me reste. Ça va être. Il y en a plein, mais je pense que ouais, Jérém Papa Comics a raison. Je pense que c'est Black Sad. Parce que Black Sad, il y a un côté. Moi, j'avais découvert ça quand j'étais un peu plus jeune, parce que les premiers tomes sont sortis au début des années 2000. Et ça m'est déjà marqué par le côté. C'était dans mes premières BD. J'ai toujours aimé le policier. Donc, c'était dans les premières BD un peu policières que j'avais lues. Et quand t'es gamin et que t'es moins dans l'analyse de l'œuvre, t'en prends plein les mirettes quand tu l'ouvres et que tu vois les pleines pages, c'est la folie. Et après, je me suis retrouvé quand je les ai rachetés plus tard et je les ai relus. En plus, finalement, je les ai relus plusieurs fois. Et finalement, à chaque fois que je les lis, à chaque fois, je découvre des nouvelles, des nouveaux éléments. Il y a des nouveaux points dans le décor où j'avais pas fait gaffe. Il y a des traits de caractère aussi en fait où j'avais pas forcément fait gaffe au départ. Il y a toujours des petits trucs qui surprennent. Alors les scénarios sont pas toujours les plus élaborés parce qu'on trouve quand même assez de codes du polar noir qu'on connaît et des enquêtes policières assez convenues, mais finalement chaque tome est quand même prenant et chaque tome est quand même solide d'une traite, quoi. C'est-à-dire que moi, même le tome 5 où je suis moins fan, bah, le tome 5, si je commence à le lire, je le dévore quand même si je sais que je l'aime moins. Donc il y a ce côté-là. Et quand il y avait eu le tome 6 l'année dernière, moi je m'étais retrouvé, je m'étais posé la question, je m'étais dit, oui, je vais le prendre, mais putain, est-ce que ça revient pas juste un peu pour, pas, je vais pas dire pour du fan service. Puis finalement, il y a un truc qui est vraiment construit, c'est construit en deux tomes, il y a une vraie recherche, c'est une vraie volonté de faire revenir le personnage. C'est pas pour répondre aux fans, quoi. Et c'est toujours un plaisir, quoi. Le tome 2 n'est pas sorti, hein. Non, enfin, le tome 2 sortira la deuxième partie. Sortira en 2023, je pense. Octobre-novembre 2023, enfin la période faste de BD, quoi. Parce que je pense pas que Black Sad ce soit le genre de titre qui vont sortir en mai au milieu de l'année. Ou le 15 août. Voilà. Pas de chance. Ah, c'est mortel, Black Sad, c'est tellement élégant et classe, c'est une leçon, quoi. Mais il y en a plein. Mais après, tu vois, c'est pareil. Hein, quand, moi, tu vois, quand je prends le. Enfin, tu vois, quand je prends le. J'ai eu tellement de titres dans le 619. Moi, j'ai vu. Je crois que c'est Schizophile dans le chat qui parlait tout à l'heure de The Grossery et PTSD. Bah, c'est pareil. Moi, c'est dans les. Ah bah oui. C'est dans le haut. Après, j'ai plein de vieilles BD. C'est dans les temps, c'est un truc tout bête. Mais je me suis retrouvé à me replonger dans des métals hurlants, dans les premiers métals hurlants, donc des années 70. J'avais partagé, notamment en story sur Instagram, je suis retombé sur des pages de Gall et je suis retombé sur des pages de Druillet. Pff, ah, la claque! Ah ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc de maboule. Et c'est surtout de se dire que à l'époque, c'était pas au numérique, quoi. Et puis il y avait pratiquement rien qui l'inspirait à faire ça, tu vois. Ça sortit de sa tête, quoi. Jodo, c'est pareil. Le mec, quand il scénarise, et tout, c'est un truc de malade. Hein. Ils sont et puis Druillet, si je me rappelle bien, en plus, lui, il dessinait vraiment sur grand format, en plus. Ouais. De base, c'était vraiment sur des grands formats. Enfin, c'est hallucinant, enfin, ces cadres et tout. C'est juste incroyable, les détails. J'invite vraiment les gens à checker des pages de Druillet, par exemple, sur Internet. Ou même de Gall, du titre qu'il a fait avec Dionne. C'est pareil, de se dire que ces mecs-là, ils ont sorti ça dans les années 70. Mmh. Aujourd'hui, on sortirait ça, en fait, on se dirait, ok, c'est classe, mais c'est faisable parce qu'en fait, avec le numérique, tu mets un peu tous les détails que tu veux. Quand on voit aujourd'hui des vidéos de certains artistes, en fait, qui zooment sur la tablette, qui mettent tous les détails, tous les trucs, c'est élaboré, en fait, ils dézooment. Ouais. Tu dis, ah bah, en fait, c'est faisable parce que la technologie le permet et donc ça permet de rendre accessible. D'avoir tous les outils pour répondre à leur créativité et à l'ingéniosité. Et quand tu te dis que les mecs faisaient ça en 75 sur leur feuille, et tu regardes même certains reportages où tu vois Druillet qui dessine, en gros, le mec, il a le nez penché sur la planche. Tu te dis, mais le mec, il a dû finir avec des pupilles ouvertes comme ça parce que c'est mort. Enfin, c'est extraordinaire. Tu vois, quand tout à l'heure, tu parlais de Pérez qui dessinait le second plan, le troisième plan, et les machins, mais c'est pareil. C'est juste c'est hallucinant. Mais bon, enfin bref, mais c'est compliqué de prendre ça, des trucs. Ouais. Après, je pourrais jamais mettre un dessinateur qui dessine à l'ancienne au même niveau qu'un mec qui dessine sur des tablettes. Je suis désolé. Je ne pourrais pas les classer dans la même catégorie. C'est. Bah oui, c'est pareil. Je respecte les deux, hein, c'est pas la question. Mais c'est vrai que, comme tu dis, celui qui va passer du temps, tu vois. À s'arracher les pupilles pour des petits détails. Et puis, j'aime beaucoup. En fait, si tu veux, j'apprécie aussi la technique en fait, qu'il y a derrière les planches de bande dessinée qu'on ne voit pas forcément parce qu'on n'a que le résultat final. Mais il y en a vraiment certains, tu vois, qui, pour avoir une ombre, un effet de lumière, un truc, ils vont avoir recours à des astuces, mais de malade. Je ne sais plus là, lequel on avait vu où il passait à un moment donné ses planches sous l'eau pour avoir un certain effet, après il les faisait sécher. C'est un truc de malade. Alors que tu vois, avec une tablette et Photoshop et la touche F5, frère, tu fais des trucs géniaux, mais j'ai pas la même émotion. Bah, c'est pas pareil, c'est hein, que... quand tu ancres et que sur ta tablette tu fais oh non, ton merde. Ah non frère, c'est mort. Jeff Darrow, c'est ça. Jeff Darrow, il a refait des planches entières. Tu dis mais putain, mais le pauvre. non mais c'est. Ça, il y a un savoir-faire. Sur Black Sabbath à la base. Black Sabbath. mais c'est ça qui fonctionne aussi, tu vois, dans Black Sabbath avec Guarnido, c'est que tout est fait à l'aquarelle. Et du coup, c'est vraiment, c'est pareil, hein, c'est balancé sur les couleurs. Si tu perds un peu ta nuance ou machin, bah tu vois là quoi, c'est. C'est ce côté aquarelle one shot, entre guillemets. C'est sublime. Hein, c'est bref. Ah, c'était. Black Sad, c'est quand même la bande dessinée où, attention, les oreilles chastes, où le mec, il te dessine des animaux humanoïdes, mais quand c'est, tu vois, des pin-up et ce genre de choses, elles sont vraiment belles. Elles ont des têtes d'animaux, tu vois. Enfin, elles sont élégantes. Grave! Enfin, je me rappelle d'une scène, c'est pas pour le côté sexuel de la chose, en fait, c'est pour le côté où tu as une scène en fait d'amour et tu as un des personnages féminins. Sur une biche. C'est ça que tu veux dire. Un soir d'automne dans les bois, quand tu as le rut, tu vois, non, mais tu as cette scène en fait d'amour où tu as simplement le dos en fait du personnage féminin qui est dessiné et ce dos il est juste magnifique, quoi. Dans les détails, dans les muscles et tout, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Quoi. Vraiment. T'as raison. J'adorais très chasse à minuit quand j'étais jeune. Bref. Alors, on va passer à ta BD, mon Milsounet. Alors, moi, c'était... Alors, j'ai pareil, entre Universal Wars 1, que j'adore dans la science-fiction, Il faut flinguer Ramirez, mais le tome 3 n'est pas prêt de sortir parce que je crois que le gars est un peu en dépression, malheureusement, donc j'espère que ça ira mieux bientôt. Donc, on n'est pas prêt d'avoir le tome 3, apparemment. Ça, c'est, j'ai appris ça au cas des bulles, là. Et du coup, bah, moi, bah, voilà, je triche et j'en ai rien à branler. Moi, c'est Doggy Bag, c'est français, les gars. C'est et français, je m'en branle. C'est le format. C'est français, bien sûr. Mais, ouais, mais ça reste le format américain avec trois, voilà, sorte de trois grands issues. Pourquoi? Parce que déjà, depuis 2004, moi, ils me régalent, mais je les ai tous lus. Je les relis souvent. C'était presque lecture doudou, tu vois, des trucs comme ça, c'est un peu ça. Et ce premier tome m'avait foutu une branlée, en fait, cette histoire de bikers loup-garou, puis t'as une meuf qui défendait un gamin, je crois que c'est ça, son gosse, et le troisième, je ne me rappelle plus. Ouais, ça, c'est espèce de motard américain, sauce américaine, tu sais. Et puis ce dessin, et puis en fait, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que moi j'ai découvert Run, Maudou, Singelin, les Bablés et compagnie. Et c'est un vigile artiste incroyable, et pour moi, c'est clairement... un renouveau dans l'histoire de la bande dessinée française qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Je pense qu'on va a posteriori, on va tout simplement le comprendre et l'entendre. Mais ils ont amené un vent de fraîcheur incroyable sur ce qui sortait en France et ça n'a jamais été égalé. Et je les suis toujours avec le Reader aujourd'hui et je trouve que c'est amené d'une main de maître. C'est toujours aussi fun. Ils arrivent à se renouveler, ils trouvent toujours des nouveaux talents. Putain, c'est incroyable quoi. C'est une comme l'anthologie que tu as sorti des viandes tout à l'heure, bah c'est ça à chaque fois. Quoi. Tu prends une claque, peu importe le style graphique. Visuellement, ouais, c'est fou, magnifique quoi. À chaque fois. C'est fou en fait. Vraiment. C'est très. Je trouve que ça a une patte un petit peu underground, un peu. Tu sais, pas à l'inverse de mainstream parce que j'aime pas. Ça se veut série Z. Mais ouais, ça se veut série Z et ils épousent complètement le cliché et que moi ça me fait kiffer quoi. Donc ouais, franco-belge en ce moment, moi, c'est clairement Doggy Bags. Il y a évidemment autre chose en science-fiction que j'adore, comme Olympus Moon, tout ce qui est sur Mars. Enfin, tu vois, il y a des séries incroyables avec des graphismes incroyables et des séries, des scénarios dingues. Mais j'aime beaucoup ce format-là. Je trouve que c'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en France en termes de propositions. Ils sont très forts. Ouais. Voilà. Moi, je recommande à tout le monde de lire ça parce que c'est top. Et ça coûte pas très cher. Et ça coûte pas très cher. Franchement, c'est assez agressif. Ils sont à 13 balles, je crois, ou 14 balles. Je crois que c'est 12,90 ou 13,90, un truc comme ça. T'as trois histoires, tu peux te faire ça vite fait quand tu vas chier. De toute façon, la belle édition 19, en règle générale, tu sens qu'il essaie toujours de tirer les prix vers le bas. Ouais, et puis ça m'a fait découvrir des. Et la qualité vers le haut. Les café là, au carré là. Neyef, il vient de là, en fait, quelque part, il a été poussé par Run et compagnie, puis Bablé, pareil, Bablé, putain, son Carbon Silicium, il aurait très bien pu être dans l'indé, tu vois, c'est incroyable, quoi, c'est... Moi, j'ai tout là-haut, là, j'ai tout est en haut, là, j'ai... voilà. C'est une tuerie, et puis TSD, c'est pareil, enfin, voilà. Moi, au lieu de parler de... Alors, moi, c'est Sigmar. Au lieu de parler d'une BD, je parle d'un label, c'est vrai qu'au final, tu t'en reviens toujours à la même chose, tu pars d'un format et tu finis par parler du label tellement c'est marrant parce que Run, je l'avais découvert à l'époque où il avait son premier site internet. Ça remonte, hein, c'était Twitter, il n'existait pas encore, machin. Tu pouvais discuter avec lui. Et vraiment, il a toujours eu ce truc de discuter justement. Alors, à l'époque, c'était du message board, quoi, où tu pouvais laisser des messages, il te répondait, machin. Il y a tout. C'était Mutafukaz, il y avait eu juste, je crois que c'est le moment où il avait sorti un tout petit court-métrage en flash. À l'époque, c'était bien avant le film et tout ça, même avant la BD d'ailleurs. Et ouais, c'est rigolo de voir comment ça a évolué depuis. Enfin, vraiment, ouais, c'est marrant d'avoir suivi ça depuis le tout départ. Hein. Voilà. Et franchement, il faut. Je conseille à tout le monde de suivre Run sur Twitter. Il y a toujours des pépites, que ce soit dans certains threads qu'il fait, quand il ressort certains de ses dossiers, entre guillemets, des trucs qui balancent. Ne serait-ce que d'Alia Noir, hein, justement, il faisait participer les gens pour l'enquête, justement, quand il y avait des documents qu'il n'arrivait pas bien à comprendre ou des photos ou quoi. Et spoil pas, on a fait une émission là, c'est fou quoi. Tiens, je vois que Dragnir parle du Peter Pan de Loisel. Ah, putain, oui, ça mériterait. Moi, ça m'a choqué, ça, tu vois. Mais pareil, putain, je prends deux secondes pour en parler. un collègue me dit ouais, mais t'aimes bien Hook, tout ça, bah, l'île Peter Pan de l'Oiselle. Ah oui, non, je ne présenterai pas comme ça. Mais faut ouais, être complètement chaud. Malade pour le présenter de cette manière-là. Ah ouais, non, c'est une erreur. Dans le bar avec les enfants. Truc comme ça. C'est chaud, j'ai dit, mes clochettes. Ouais, c'est ça, surtout ça. Clochette qui est arrivée. Clochette. Ah, mais là, waouh, quelle horreur, quoi. Génial, hein. Mais c'est magnifique, mais le dessin est splendide en plus. Hein. Pour la bande dessinée, qu'est-ce que tu veux, j'en aurais trois en fait qui se battent en duel, mais pour des raisons totalement différentes. Du coup, Futur Imparfait, Planète Hulk et Carbone et Silicium. Parce que vraiment, j'ai pris une claque sur Carbone et Silicium. Et j'ai trouvé en fait juste que c'était un travail parfait de A à Z. Juste parfait. Je peux pas mieux dire, j'ai trouvé ce truc absolument incroyable, mais je peux pas le mettre tout en haut. J'aurais forcément aussi en tête les petites victoires dont j'ai mangé le nom de l'auteur et je m'en excuse, mais qui est hyper pas connu et voilà, mais qui est juste incroyable. Et si la bande dessinée doit la culture doit permettre d'avoir des émotions et de faire grandir et de faire évoluer et de faire changer. Les petites victoires ont été pour moi, à un moment donné dans ma vie, un déclic extrêmement important, vraiment. Et ça m'a vraiment permis de franchir des étapes qui étaient très, très importantes pour moi. Et donc, j'ai adoré ça, mais nécessairement, tout en haut, je suis quand même obligé de mettre Franquin et de mettre... tout ce qu'il a pu faire, et notamment c'est Gaston Lagaffe, parce que c'est des trucs où je me surprends encore maintenant, même des années après, à toujours aimer lire du Gaston Lagaffe et aimer lire du Franquin. Et je trouve que ce mec avait vraiment un talent, encore une fois, absolument hors du commun, au-delà des talents de dessinateur, ce que j'aimais beaucoup avec Franquin, au-delà de l'humour, de tout ça, parce que ça, c'est des choses... c'est la première chose en fait qu'on retient. Moi, ce que je trouve absolument en fait avec lui, c'était vraiment le dessinateur de son époque. Et quand il dessinait la rue, quand il dessinait une ambiance, quand il dessinait un bistrot, j'ai trouvé qu'il savait en fait capter une ambiance en fait de l'époque, des années 70, et qui est avec une ambiance entre guillemets de temps en temps un peu prolétarienne, enfin je sais pas, mais un truc qui moi me renvoie beaucoup d'émotions, et c'était une des lectures favorites en fait de mon père, et ça a été aussi par les Gastons un moyen en fait de rentrer dans la lecture, de rentrer dans la bande dessinée et de partager des trucs avec mon père, et c'était forcément c'est des choses extrêmement extrêmement sympas. Yvon Roy, Les Petites Victoires, je te remercie, et voilà. Non mais carrément. J'en ai fait trois. Suis-je un tricheur un petit attends, peu. Juste parce que il y a un truc qu'il fallait que je montre. Ah, là, c'est le moment où normalement, il met son costume d'Indien. Allez, sors les maracas. J'ai vraiment cru que tu mettais ton costume. C'est fragile. Peut-être. Non, parce qu'en fait, je vois que sur le chat, c'est vrai, ils nous disent ouais, vous restez quand même vachement sur le comics et tout. Non, moi, quand je dis que le 619 propose un truc incroyable, là, il y a la Horde du Contrevent. Que je conseille à tout le monde, si vous aimez la science-fiction, et évidemment, c'est inspiré d'Alain Damasio. Enfin, voilà, évidemment, on lit aussi du franco-belge, mais t'es obligé d'en choisir un. S'il s'avère que ça s'est tombé sur un truc un peu mix et un peu bâtard, entre parenthèses. Mais qui dit que le label 619, c'est du comics? Qui bah, en fait, ils ont appliqué juste les. Ouais, mais c'est parce que les gens les associent. Mais après, c'est comme Carmen. Enfin, ce que je veux dire, Carmen, c'est complètement de la BD au départ. Hein. C'est une commande BD, c'est de la BD. Et ça rentre dans les compositions aujourd'hui de bande dessinée qu'on appelle roman graphique à sens large. C'est-à-dire, ouais. Aujourd'hui, le format, les gens qui restent sur la BD, c'est le format 46 pages à la façon Les Vieux Fourneaux ou quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour. C'est pas le même. Écoute-le, lui, là, qui prêche pour sa paroisse, là, Julien. Écoute-le. Mais non, mais c'est. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de bandes dessinées avec le nombre de formats différents qu'il y a, on ne peut plus associer une BD à un format. Enfin, les frontières, ça pas sont vraiment fines. Je prends certains Ramvi, par exemple. Tu prends un Visavette Shorts, tu prends un Blue and Green. En quoi c'est différent de la BD, en vrai? C'est ce qui tue. On va se parler bien tranquillement, comme dirais-je. Ce qui tue le comics aujourd'hui, c'est le mot comics. J'ai parlé avec un mec hier, il me disait « Ah, du comics, tu dis du super-héros ». Je dis « Non, moi je suis plus indé ». Oui, mais il ne comprenait pas le truc, quoi. Mais c'est clairement mais c'est... ce qui tue le comics. Ah ouais. Quand tu vois qu'ils se vendent 15 000 BD en France pour 10 000 mangas pour 900 comics en France, bah, ouais, j'ai vu. Un problème. C'est non, parce c'est... Que, bah... et c'est surtout parce que nous, on met des termes différents. Parce que le terme, par exemple, quand on regarde le terme manga aux États-Unis, c'est très récent qu'il est arrivé. Avant, c'était Japanese Comics et la bande dessinée, c'était European Comics. Hein. Tout est appelé à comics, comme quand vous voyez au Japon, il y a quelques années, la plupart des titres qui pouvaient émerger, entre guillemets, tout était manga et balèque. C'était... Ouais, nous, voilà. On fait une distinction entre les trois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on parle d'un médium qui allie des pages dessinées avec des bulles et du texte. Parce que je veux dire, que ce soit. Marre, quoi. Ouais. Bah ouais. Et honnêtement, et aujourd'hui, ouais. associer le format BD, on peut plus associer un format BD. T'as raison, sûrement. T'as raison, on devrait peut-être plus parler de 9e art et ça ouvrirait des portes. Après, moi, c'est parce que je suis pas fermé en disant comics, manga, BD, je sais très bien à quoi m'attendre et j'aime tout. Donc, je m'en fous un petit peu si tu veux. Mais tu vois, en Espagne, ils disent comics national. Parce qu'ils n'ont pas de mots pour déterminer la bande dessinée chez eux. Donc pour eux, c'est les comics aussi. Tu vois, donc pour eux, le comics, ils se vendent vachement mieux. Bah, de toute façon, ça se voit, Panini et tout. Tu vois, quand ils balancent beaucoup plus de sève là-bas qu'ici. Quoi, donc, c'est joli, Mandy, balance de la sève. Par-dessus les Pyrénées. La Golden Shower. Allez, suivant. Enchaîner là-dessus. C'est ma chaîne, je prends la j'accapare le truc. Allez. Et on passe au Japanese Comics. Les Japanese Comics. Tu sais, non, j'aurais vraiment voulu faire style mon lecteur un peu pointilleux qui va dans des trucs un peu obscurs, machin. Allez, Dragon Ball, next. Alors, après. Alors, non. Non, mais je peux pas mentir, c'est One Piece. One Piece, pour moi, c'est Oda, je suis un fan de worldbuilding. Je suis un fan de worldbuilding et sur ce niveau-là, c'est juste incroyable, One Piece. Enfin, on est en train, voilà, on est dans la dernière ligne droite du coup du manga et on découvre des réponses à des questions qui se posent depuis plus de 20 ans. Alors les gens qui sont là disent oui, Andorre, c'est un peu lent, machin. Les gars, on a mis plus de 20 ans à découvrir vraiment les pouvoirs du personnage principal. Donc, niveau attente, quand tu lis One Piece, t'es pas mal. Mais non, pour moi, c'est cultissime. Il a créé, c'est pas pour rien. Ça a battu Batman, hein. Ça a vendu plus d'unités que Batman, mine de rien. C'est juste un truc incroyable. C'est un événement planétaire. C'est pas pour rien. Ça vient pas de nulle part. Je me suis démerdé pour placer plus tard dans une autre catégorie un autre manga. Du coup, histoire de dire, ouais, il y a aussi des trucs improbables. Mais t'arrives. C'est peut-être même pas. Tu vois, histoire de dire, voilà. Mais One Piece, ça reste. Je suis amoureux de One Piece. J'aime cet univers. Vraiment, enfin, l'histoire cachée, tout le délire de. C'est le seul. Suffit de regarder sur YouTube. Il y a des milliers d'heures de vidéos, de théories, de trucs. Tellement il y a de questions. Moi j'adore ce côté se poser des questions. On a un groupe sur Discord avec plusieurs potes où toutes les semaines dès que le chapitre sort, oui alors t'as vu ça, mais alors vu cet élément là, tiens regarde, il y avait cette planche dans le numéro machin, où en fait du coup, je kiffe ce côté là. Comme une bonne série, tu vois, où t'as envie de discuter avec tes copains, mais toi t'en penses quoi de ce moment là, mais alors du coup, si c'était passé ça, je kiffe ça. C'est ouais, non, j'adore One Piece. Moi, je faisais ça avec les X-Men de Hickman et puis je l'ai lâchement abandonné. Démerde-toi. Au coin du bois, tout seul. Ah putain. Et puis quel comic t'as qui pendant 25 ans, t'as le même auteur, avec le même dessin, et tu peux suivre vraiment ces personnages sur une histoire aussi longue. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a des mangas qui ont des plus longs. Parce qu'il y a un peu plus de travail, entre parenthèses, parce qu'il y a des codes. Mais sur la couleur, sur la mise en scène, sur les fonds, les décors, il y a quand même un petit peu plus de... C'est moins rapide quoi, à faire. Quoi. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. On va pas se mentir. Ah, dire, une histoire, toi, en tant que lecteur, qui va t'accompagner pendant autant de temps dans ta vie, tu vois. C'est plus de la moitié de ma vie, j'ai lu One Piece. Et pourtant, je suis pas jeune. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça que j'ai du mal à rentrer dedans. J'ai lu, je crois, je vais te dire, j'ai lu 48 tomes. Là, il y a le chapitre 1067 qui est sorti hier. Et le truc qui m'a vraiment fatigué, tu vois, c'est que j'en parle en fait avec un collègue au boulot qui me dit toujours, en fait, depuis 25 tomes, non mais après, c'est la folie. Non mais après, c'est la folie. Je viens de claquer 48 tomes, après, c'est la folie. Bah, ça va être compliqué. Et là, j'ai mon grand garçon qui est tombé dedans il y a quoi ? Il y a, allez, 3 semaines à tout casser. Il est en train de lire, là, le tome 21. Donc, que je veuille ou non, en gros, j'ai bien compris qu'il y aurait... j'allais devoir acheter la suite. C'était mort. Mais il faudrait que je reprenne avec lui. Mais, et là, mais il est à fond dedans. Il est à fond. Ah, après, vraiment, il y a des dizaines de mangas que je pourrais citer. Mais One Piece, c'est vraiment celui qui a pris une place à part. Mais voilà, je pourrais parler de One Punch Man qui est extraordinaire, je pourrais parler évidemment de Monster, je pourrais parler de Fullmetal Alchemist, je pourrais parler du boulot des studios Clamp. Enfin, il y a tellement de choses intéressantes qui se font. Puis le manga, ce qui est génial, t'as vraiment cette diversité de thèmes, enfin, c'est improbable, quoi. Tu veux un manga sur les joueurs de ping-pong, tu vas en trouver un. Tu veux un manga sur un battle royale sur une île où les types se battent à coups de bite, t'en trouves un aussi, ça existe, c'est vrai. Ouais. Un manga de cul avec des vieux, un manga de cul avec des jeunes. Oh là, bizarre quand même. Hein. Ouais, ils sont chelous. Ouais, non, mais il y a tout, hein, on est d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est pas la même production. Oui, complètement. Et c'est pas la même production parce que le système, en plus, tu vois, quand on parle par exemple des comics où un mec va faire son chapitre en un mois, etc., au Japon, on a quand même tendance. On minimise des fois que les grands auteurs, ils ont X assistants, tu vois. Oui. Quand je vois que certains auteurs moyens, entre guillemets, ont déjà 4-5 assistants, Kishimoto, je me rappelle, il présente 8-9 assistants, tu vois. Quand il faisait Naruto, tu dis, bon, bah, les mecs, ils ont 9 Naruto, ils ont 9 assistants, pardon, tu m'étonnes que les mecs peuvent sortir un chapitre par semaine aussi, tu vois. C'est... Après, le rythme, c'est quand même de la merde. Hein. Quand tu vois les emplois temps des mangakas, ah, mais c'est une usine même à gaz, des assistants. Non, mais c'est une usine à gaz, c'est un truc de fou. Oui, oui. Et c'est fait. Mais par contre, le retour en fait au manga, le manga, c'est quasiment. On n'accorde pas l'œuvre à une personne, comme par exemple pour ABD, où souvent on accorde à une personne. Au manga, on accorde l'œuvre limite à l'éditeur, enfin à la société. Tu vois, quand on remet toutes les œuvres au Jump, on les remet à la Shueisha, quoi. Tu vois, c'est pas. C'est limite à la Shueisha avant que ce soit à tel auteur pour une grande partie des œuvres. Alors oui, mais contrairement aux comics par exemple, pour le coup, les mangakas gardent des droits sur leurs œuvres. Oui. Ah oui, non, je parle pas des droits, mais je parle de la reconnaissance, oui. Entre guillemets, on te met vraiment dans ces trucs-là, quoi. Et toi, mon cher Bram, ton manga favori, c'est pas, ton c'est top pas, 1 Mais je réfléchissais pour pas redonner tout le temps les mêmes, parce que sinon je suis tout le temps avec soit Monster, soit Akira, soit les trucs comme ça. Et du coup, en fait, au début, je partais sur un autre manga, et puis en fait, tout à l'heure, j'ai plus tourné la tête ici, là, et là, j'ai mis Slam Dunk. Et du coup, je vais dire Slam Dunk. Parce que Slam Dunk, je les avais lus quand j'étais gamin, et en fait, j'avais un souvenir que j'avais lu Slam Dunk, alors qu'en fait, j'avais pris un peu des tomes par-ci par-là, dispo à la médiathèque, sans faire gaffe qu'ils n'étaient pas la suite, et j'ai lu un peu de tout et de rien au milieu de l'histoire. Et à l'époque, ça n'est pas forcément plus marqué, mais bon, en même temps, tu me diras, quand tu lis le tome 20 et ensuite le tome 30, c'est forcément pas pareil, tu vois. Ouais. Et quand je les ai relus, j'ai relu les 20 cette année, enfin, la nouvelle édition, la Star Edition en 20, et bah, franchement, je me suis pris une claque sévère. J'adore déjà Inoue, j'adore déjà ses autres œuvres, et puis en fait la Slam Dunk c'était un kiff de me replonger dedans, de retrouver ce que j'avais aimé quand j'avais lu gamin, et de cette fois-ci découvrir une histoire que j'avais pas quand j'étais gamin. C'est-à-dire que il y avait des trucs que j'adorais quand j'étais petit, certaines scènes d'humour que je trouvais passionnantes, et certaines scènes de basket que je trouvais ultra prenantes, et là le fait d'avoir le vrai fil rouge, d'avoir la continuité des matchs, d'avoir la continuité du tournoi, etc. C'était un kiff absolu, et Slam Dunk pour moi c'est dans les meilleures œuvres que j'ai pu lire. Et puis le trait d'Inoue, enfin moi j'adorais déjà Inoue sur Vagabond et sur Reel, et là Slam Dunk c'est vraiment voir l'évolution du trait, parce que Inoue il a été formé, enfin c'était l'assistant de Hojo, donc le papa de City Hunter, et en fait on le voit dans les premiers tomes que le titre se voulait peut-être un peu plus Furio que manga de sport, et parce qu'on retrouve vraiment tous les codes de Furio, que ce soit la tenue de Sagaraki, etc. Et quand tu vois comment il le dessine en grand, et puis des fois il le fait en format, on va dire, petit cartoon, on retrouve tous ces codes là, et en fait plus ça passe, plus on passe vraiment dans un manga de sport 100%, et plus on passe vraiment dans des pleines planches avec son trait, enfin, c'est un truc c'est voilà quoi, Sakuragi en pleine page, c'est une tuerie quoi. Je vais juste me permettre un tout petit interlude parce que on m'a rappelé en fait dans le chat qu'effectivement il y avait Oz qui fait une watch party en fait de son côté avec Anto. Et je vais juste prendre 2 minutes pour leur envoyer un petit message sympathique en disant on est plus de 60 chez moi, on vous torche, la bise les potes. Quel enculé. Et si vous voulez quitter le chat là, quelques minutes, aller faire une bise au copain, lui faire un coucou et puis repasser nous voir après, vous dites que vous venez de la part de G et si vous, ça me ferait mourir de rire. Ils sont 10, passez leur dire bonjour. S'il vous plaît, passez les voir. Et là, je les vois parce que du coup, là, j'entends pas en fait ce qu'ils disent, mais je les vois en train de réagir. Ils sont morts de rire. N'hésitez pas. Passez les voir, vous leur faites un petit coucou de la part de G et puis vous revenez. N'hésitez pas à moi. Voilà. Désolé, on en était où? Il faut vraiment que je lis Slam Dunk un jour. Les derniers mangas de sport que j'ai lus, c'est Hippo, du coup en boxe. Et là, t'as que 20 tomes, tu vois. Ah. Donc tu divises bon par 6, tu vois, t'es gagnant. Bon argument. Et ouais, Achille 21, ouais. Du coup, parce que Murata. Et que Murata. Mais ouais, faudrait vraiment que je lis Slam Dunk. Ça, c'est un des classiques vraiment qui manque à mes lectures, du coup. Je vois qu'il y en a plein qui y vont, là, du coup, sur Live 12. Bonsoir de la part de G. Poutou de la part de G. Petit coucou, on vient de la part de G. Putain. Ils vont nous détester. J'envoie un petit salut, les filles. Je pense qu'Onto est en train de t'envoyer un message. Il a la tête baissée, comme ça, il t'envoie un message. Coucou, l'ami Flabis. Bonsoir de G, gros bisous. Salut, les filles. Bah, magnifique. Grandiose. Un gros bisou au copain Oz, évidemment, qui est un mec extraordinaire. Et il y a Federer Fan, il y a Xav Federer Fan qui demande dans le chat aussi pour son œuvre d'Inoue en basket fauteuil, qui est real. Et franchement, les gens sur. J'ai entendu parler ça. Ah bah c'est une œuvre sur le handi basket. C'est une dinguerie comment dire, visuellement. Et par contre, c'est une dinguerie aussi émotionnellement. Oui, il paraît que c'est génial. On a dit beaucoup de bien. Enfin, je vais pas dire faut être accroché, mais enfin ce que je veux dire, c'est vrai que ça prend aux tripes. Manga d'Andy Basket, c'est vraiment ouais, c'est une tuerie. Il y en a au moins une dizaine qui sont allés pour dire coucou. Mais ouais, non, c'est extraordinaire. Je suis sur le basket là, en fauteuil, ouais, effectivement, ouais, on a dit beaucoup de bien, il me tente vachement celui-là. Ouais. Je suis dans ma période de manga dépressif de toute façon, donc. Mon cher Mills, c'est à toi. Est-ce que tu lis beaucoup de mangas, toi? Ouais, ben non. Pas trop. Non, moi, ces petits moments ASMR, vous êtes prêts? Ah. Voilà, ça, c'est la couverture qui colle, parce que c'est le premier manga que j'ai acheté. De Hiromu Arakawa. Alors, déjà, pour les dire, déjà, c'est mort. Hein. Full Metal Alchemist, qui me suit depuis toujours. C'est 2002, je crois, un truc comme ça. Il y en a 27. Et j'adore l'histoire de l'échange équivalent et de Hal et Ed. Tu vois, j'ai même pas besoin de regarder. J'ai rien travaillé, tellement je le connais par cœur, cette histoire. Elle est incroyable. Moi, ça m'a fait chialer, ça m'a fait rigoler. Je me suis attaché à des personnages comme Scar et son histoire de population qui a été décimée et prendre des gens, enfin des vies humaines pour faire de la matière. Enfin, ça résonne énormément, peu importe la période dans laquelle on est. Et moi, vraiment, Full Metal Alchemist, j'ai adoré. Alors, comme d'hab, hein, moi, je ne suis pas un grand fan des dessins en général, parce que je ne stigmatise rien du tout, mais en général, les grands onomatopées avec zéro fond, ce n'est pas mon délire. Mais il faut avouer qu'il y a le chara-design qui est quand même présent, et c'est vrai que je ne lis pas assez de mangas, ça c'est vrai. J'ai lu, tu vois, il y a les monstres qui sont là, j'ai un peu de One Piece, un peu de Naruto, mais je suis vraiment pas calé. Bah, Akira, évidemment, je les ai lus. D'ailleurs, il faut que je les achète. Papa Noël. Et du coup voilà, Full Metal Alchemist, je suis un grand fan et je pense que je vais revendre cet homme là je sais pas si ça se revend bien, mais je vais m'acheter les perfect. Ouais, les perfect, elle est la perfect, ah, un tome, juste un tome qui est anti-format, je peux dire, il fait son poids, parce que quand tu portes les 10, tu te rends compte que genre les 10 ils font un sacré poids, tu vois, par rapport à des mangas normales, je fais oh la vache. Et FMA, moi je le conseille à tous les mecs qui sont en terminale, qui doivent bosser la Seconde Guerre mondiale, parce que le parallèle avec Ouais. Avec Berlin Est et Ouest, et puis ouais. avec les Jijbal, c'est les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ouais, c'est le meilleur moyen, de, les gars, d'apprendre l'histoire de la incroyable. Seconde Guerre mondiale et puis, en faisant plaisir. Quoi. Pour rebondir avec ça, je me rappelle, moi, c'est un truc qui est assez fort pour moi, parce que au moment où, vous savez, on a tous cette bande de potes qu'on n'a pas envie de quitter, qu'on a envie de rester comme ça et tout, et cette bande de potes-là, je l'avais au moment où les épisodes animés que j'ai adorés, et que j'adore toujours, que je regarde tous les ans, en fait, sortaient à Canal, je me rappelle, c'était en clair, et on regardait tous là devant à attendre que cet épisode sorte. Alors évidemment, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le manga, ils ont fait aussi des films, et il y a une série Brotherhood et tout. Ouais, t'as la série Brotherhood, alors, ouais. Il y a plein de choses vraiment intéressantes, et vraiment, je souhaite à tout le monde de découvrir cette œuvre qui est sur tout point, et là, clairement, je pèse mes mots, mais sur tout point, intelligente, voilà. Alors je lis pas beaucoup de mangas, mais j'ai eu la chance de tomber là-dessus, et vraiment je le souhaite à tout le monde. Enfin, franchement, essayez le tome 1, vous allez pas être déçus, c'est évident. Jamais lu. Anecdote à la con, c'est que l'autrice, ouais, je préviens, je suis un jingle. En fait, on ne sait pas à quoi ressemble l'autrice de Fullmetal Alchemist, et du coup, quand tu fais des recherches sur Google, à chaque fois qu'on va te montrer le visage de l'autrice, en fait, c'est pas elle, c'est la voix de du frangin, justement, du blond. C'est celle qui fait sa voix à lui. Parce qu'en général, c'est elle qui la représente, du coup, pour les conventions, des trucs comme ça. Et donc, c'est très marrant. En fait, plein de gens s'imaginent avoir vu l'autrice de Fullmetal Alchemist, mais non, on ne sait pas à quoi elle ressemble. D'accord. Eh ben, je savais même pas, tu vois. Tu me fais penser que d'ailleurs, j'aurais pu choisir Helsing aussi, qui est vraiment un manga qui m'a beaucoup marqué. Et une série. Il y a un manga juste pour la petite option qui s'appelle Priest. Ouais. C'est une tuerie. Voilà, c'est une grosse tuerie à graphique. Et Priest, il devait reprendre et il a pas repris. Ouais, je sais. Il a fait silence radio, le mec. C'est une casse. Mais c'est abusé parce qu'il a ce côté un peu Frank Miller. Il manie vraiment les noirs comme Frank Miller. Tu vois, c'est vraiment hyper crayonné. Très Sin City. Ouais, très Sin City. Ouais. Et vraiment, j'adore aussi Priest. Mais voilà, je n'ai pas une grosse culture de manga, donc c'est pour moi, les gars. Et toi, qu'est-ce que t'es bon. Et G, il va dire Kingdom. Ce serait bien que ce soit pas tout le temps moi, sinon ça fait. Tu vois, il va dire Kingdom. D'ailleurs, cette soirée, elle est top, on parle que de trucs qu'on adore. T'aurais pu répondre à Jaoul qu'il n'y a que 62 tomes, que le 63 et 64 sont sortis quand même. Ils sont sortis là ou ils vont sortir? Ah ouais, ils sont sortis. D'accord. Ah, tu vois, je pensais que c'était dans quelques semaines. Je pensais pas que c'était tout de suite. Que vous dire, évidemment Dragon Ball est dans mon cœur pour tout un tas de raisons, parce que c'est ma génération. Dragon Quest, la quête de Dai, est évidemment dans mon cœur parce que c'est un truc que j'adore et que j'ai adoré aussi partager avec mon grand. Mais je dois bien avouer que ces dernières années, évidemment Kingdom est pour moi est tellement haut. Ça m'a surpris en fait de pouvoir enchaîner 60 tomes avec cette rapidité et cette fluidité. J'ai adoré en fait suivre cette histoire qui n'est toujours pas terminée, hein, parce qu'elle est toujours en cours, et celle d'un petit garçon dans la Chine avant 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ, l'époque où la Chine était morcelée en tout un tas de petits royaumes, 6 ou 7 royaumes de mémoire, et on sait qu'on va croiser en fait le roi d'un de ces petits états, et on sait que ce roi-là, à la fin de l'histoire, ce sera celui-là qui va historiquement, parce que c'est basé sur une histoire, sur la réalité, c'est celui qui va unifier tous les royaumes de Chine et former la Chine. Donc ce putain d'immense pays avec toutes ces contrées absolument gigantesques. Et on va suivre à la fois le destin de ce jeune roi, qui est dans une situation dans son royaume où il est, au moment où on commence l'histoire, à deux doigts en fait de perdre le pouvoir, il est en cavale. Et en même temps, on va suivre le destin d'un autre petit garçon qui n'a qu'une envie, c'est de briller, de s'émanciper de sa condition de quasi-esclave et de devenir un grand général dans l'armée de cet état. Et c'est extrêmement palpitant, il y a des combats qui sont absolument fabuleux. J'aime beaucoup le côté technique, le côté stratégie militaire de l'époque qui est vraiment, vraiment mis en avant et qui est mis d'une manière extrêmement lisible, et plus que lisible, qui est attrayante et haletante. Vraiment, vraiment, on tremble à chaque tome, on tremble à chaque chapitre, et c'est absolument dingue. Et voir ce jeune gamin évoluer aussi bien physiquement, intellectuellement, dans sa manière de se battre, et au sein de l'armée, parce que plus ça avance et plus il prend des responsabilités dans l'armée, et plus les tomes passent, et plus tu vois qu'il est à deux doigts de toucher son putain de rêve de devenir général, c'est un truc de malade. effectivement, je vois Oldman Stéphane qui me dit « Est-ce que les chevaux sont mieux dessinés ?» C'est pas le top du top au niveau des chevaux, loin de là. Coup de bol, c'est pas un manga sur les courses de PMU, donc c'est pas le plus grave. Et vraiment, vraiment, j'ai adoré ça et je ne peux que le conseiller. Il y a à la fois un petit côté historique qui me plaît énormément, le côté shonen où il y a vraiment cet esprit où de dépassement de soi et tout, le côté stratégique militaire qui de prime abord est pas forcément ma cam, mais c'est le gros avantage des mangas, c'est qu'effectivement tu peux avoir tout un tas de thèmes et tomber sur des choses qui sont pas forcément en fait des choses avec lesquelles tu as une accointance, mais ça va être expliqué d'une manière hyper intéressante et tu vas adhérer au truc ou pas, c'est pas grave. Mais Kingdom, c'est vraiment vraiment un truc de fou. Comme je dis toujours, il faut peut-être passer les 2-3 premiers tomes pour vraiment se mettre un petit peu dans l'ambiance, que l'histoire démarre vraiment, et passer les 2-3 premiers tomes, plus généralement, on va dire le premier arc qui dure 3-4 tomes, ouais. Derrière, c'est incroyable. Et je remercie Diaoul, qui fait partie des gens, quand j'en ai parlé, qui m'ont fait confiance. Je remercie celui qui nous en avait parlé, Sam, du podcast Comic City, qui régulièrement, en fait, parlait de Kingdom avec enthousiasme. C'est lui qui m'avait donné envie. Et voilà. Et c'est aussi un petit truc que j'aime bien, la transmission. On se fait transmettre, en fait, des idées de lecture, on les transmet à d'autres et on s'enrichit les uns les autres de nos bons conseils et puis de nos invitations à esquiver des trucs comme le Hulk de Donny Cates. Kingdom, je présume que vous ne l'avez pas lu. Non. Ah si, j'en ai lu pas mal, j'en ai lu quand même 100-150 chapitres, je crois, un truc dans ce style. Mais après, ça devient bien. Et j'ai adoré. Et faut que je m'y remette, hein, c'est juste que je sais plus où j'en étais, c'est chiant, faut que je retrouve. Mais non, c'est génial, enfin, voilà. Moi-même, le début, j'ai kiffé, franchement, enfin, rien que voilà, le voir arriver de sa campagne avec tout ce qui lui arrive déjà dès le départ. Et puis voilà, rencontrer justement ce jeune prince, et petit à petit déjà, j'y fais. Au début, j'avais un peu peur sur le style de dessin des personnages. Des fois, il a un style assez particulier, surtout sur les généraux par exemple. Mais non, je suis rentré dedans à fond et c'est énorme. Le voir petit à petit commencer à diriger son petit groupe, puis petit à petit que ça grandisse, vraiment, t'es pris dedans et c'est tellement intéressant. Enfin, c'est une époque historique en plus ultra passionnante. Donc, non, j'étais bien rentré dedans, franchement. Voilà. Et ben, j'ai noté ça, mais. Ah, par contre, ouais, il y a un petit budget. Oui. Il y a un petit budget. Mais j'aimais bien la manière dont c'était édité au début. C'est vrai qu'il te. Ouais, c'était un abonnement. Et mais tu peux toujours le prendre. Hein. Ouais, et régulièrement, il t'envoie des trucs. Exemple, quand tu vas sur le site de l'abonnement de Meian, tu peux soit choisir de. En fait, tu peux commander les tomes ou les box, etc., comme tu veux, mais tu peux aussi prendre la formule abonnement, et tu peux prendre la formule abonnement de quand tu veux. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, tu as 12 tomes chez toi, tu peux prendre la formule abonnement à partir du tome 13-14 et après ils te refont cet envoi, tu sais, 4 tomes tous les 2 mois, etc. par exemple. Ah, c'est cool. Donc tu peux le faire, d'accord, si tu veux comme ça, cette forme-là. Ils l'ont rendu dispo. C'est le début de la fin, ça, pour moi. Hein, putain. C'est ça. Netflix, Disney+, Amazon, truc... Spotify, machin. Ouais, oui, Deezer. Moi, j'ai tout réuni en un abonnement, en NordVPN. Alors, on enchaîne avec. si j'avais un message de Julien, mais c'était pas ce message-là parce qu'il m'envoie un message privé. Il me dit : je te le poste ici, j'adore ta vidéo sur Donny Cates. Si je le mets en live, ça fait susboule. Non, pas de ça va. Tu vois, c'est très gentil, merci. Oui, ça fait susboule, mais là, c'est bien amené, tu vois. J'adore le fait de ne pas vouloir dire un truc sympa en public au cas où. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je suis méchant en vidéo, c'est là où les gens ils aiment le plus. C'est pas bien. Ça le fait vendre. Mais surtout qu'en plus, c'est pour ceux qui suivent Kate en ce moment, ceux qui suivent Kate sur Twitter, il est pas bien en ce moment. C'est pas... Ah oui. Vraiment. Ah oui, non, pour de vrai. Hein. C'est. Tu regardes, il est pas sur les sollicites. Il est pas sur les sollicites d'ailleurs depuis un moment. C'est pas de ma faute, mais. Je pense qu'il s'est fait larguer, en fait. Flash info, suite à une review française de Nickel Spiffin. Non, mais je pense, pour avoir suivi un peu le calendrier des événements, je pense qu'il était déjà pas bien et que du coup, il s'est fait larguer par-dessus, alors que sur Twitter, c'était un peu censé être le couple modèle. Et du coup, il commençait à mettre les tweets du mec éconduit, en fait, à son ex sur Twitter, ce qui faisait très bizarre, tu vois, d'avoir un auteur très connu comme ça. Il est beau garçon, il a un peu de rond de côté, oui, je pense. Voilà, ça ira, il se relèvera. Faut juste qu'il évite Twitter. Il a un peu de rond de côté, mon Dieu. Comme c'est un terrain glissant ce que tu dis. Qu'est-ce que... Je suis en train de dire que les femmes sont vénales. C'est une catastrophe. Tu peux pas te permettre ce genre de choses. Allez, fin de carrière. Salut, gros. Ah non, mais oui. Mais je pense que je pense que tu vas s'en faire pour lui. Il est vraiment beau gosse. Mais sans peut-être plus d'indien, ça va faire diversion. Quand il était jeune, il avait pas eu des problèmes de drogue ou un truc comme ça. Mec, il enfonce le clou. Non, mais je croyais, non, mais vraiment, pour le coup, je crois bien que j'avais entendu, c'est peut-être, attention, peut-être fake news et tout, mais je crois bien que j'avais entendu qu'il avait eu des problèmes un peu d'addiction quand il était plus jeune. Tu me diras, ça irait bien avec l'écriture de Buskill. Ce serait pas étonnant, pour le coup. C'est quoi Buskill? C'est un de ses titres en indé où justement c'est un super héros qui a ses pouvoirs par selon ce qu'il va prendre en fait en termes de drogue ou d'alcool ou quoi, ça va lui donner des pouvoirs en fait. Et tout le titre tourne autour des addictions justement, et puis toujours du rapport au père. C'est un truc qui revient très souvent dans les œuvres de Kate. Ouais, tout le temps. C'est inspiré de David Grant Morrison, quoi. Alors, on lui souhaite tout le bien à ce monsieur, voilà. Oui, non, mais bien évidemment. Ah oui, bien évidemment. Oui, il y a des titres en indé que j'ai adoré, en Baby Teeth. Je kiffe ce titre de Nickette, God Country. God Country qui est génial aussi. Enfin, non, il a écrit du très très bon, vraiment. Black Hammer, bon, c'est pas de lui, mais j'ai adoré. Donc... Allez. Et du coup, la lecture est marquante. On pense à la deuxième partie en fait de ce live, où là maintenant c'est beaucoup moins général, et on est. Vas-y, explique la suite des questions, parce que c'est les tiennes. Elles sont intéressantes, c'est les siennes. Elles sont bateaux, c'est les miennes. En fait, l'idée c'est d'avoir des questions un peu plus sur les ressentis de lecture, sur les émotions qu'on a et tout. Et du coup, la lecture la plus marquante. Je vais commencer avec mon titre, en fait, pour imager. C'est que des fois, on a des lectures qui peuvent être marquantes, mais qui ne sont pas forcément les meilleures lectures qu'on a lues. Et moi, ce que je retiens, par exemple, comme œuvre, c'est Monstre de Barry Windsor Smith, parce que c'est une œuvre qui est ultra intense, en fait, par la thématique, qui est ultra intense pour le sujet qu'elle traite, etc. Mais qui, par exemple, pour moi, est une œuvre qui est un peu trop longue et qui tire un peu trop en longueur, qui a pas mal de défauts, notamment sur la fin, où je trouve que c'est assez inégal. Mais par contre, la thématique abordée dans l'œuvre fait que c'est, pour moi, ça restera une lecture qui me restera tout le temps en mémoire, quoi. Ça fera partie de ces lectures qui sont un peu inoubliables, même si je trouve que ça sera pas le meilleur comics indé que j'ai lu, ça sera pas le meilleur comics que j'ai lu, ça sera pas la meilleure BD de l'année ou quoi. Mais cette thématique et cette histoire font que l'œuvre ne ressortira jamais de ma mémoire, et la façon dont je l'ai lu, le moment où je l'ai lu, c'est pareil, ça ancre encore plus le titre, en fait, dans mon parcours de lecteur, quoi. Et donc la question de l'œuvre, la lecture la plus marquante, c'était un peu ce côté-là, quoi, l'œuvre dont la sensation de lecture restera tout le temps, enfin, marquée pour vous, quoi. C'est bien de nous l'expliquer maintenant. Attends, je vais chercher une BD, je reviens. On peut voir. Ah, du coup, vous essuyez un peu les plâtres, hein, avec cette émission. Ah, ça, c'est... Non, je l'ai pris à ma manière, donc j'assume mon titre. Mon titre. Eh ben, Deviant, du coup, je te fais une passe décisive. Eh ben, alors moi, c'est ce titre-là, je l'ai choisi pour le parce que du coup, j'ai dû me faire ma propre définition de la question. Je l'ai pris parce que c'est vraiment au niveau de l'art, au niveau visuel, où ce titre, j'ai pris une claque, je sais pas. Il y a un truc qui me plaît, rien que la couverture, je la trouve incroyable. Et du coup, c'est un titre écrit et dessiné par Liam Sharp. Et c'est le Wonder Woman, Batman, La Chute de Tiernanog. Ah, je le trouve magnifique, ce titre. Vraiment. Liam Sharp, on sent qu'il y a vraiment il a toujours une passion pour l'univers un peu celte, tout ça. Et c'est pas pour rien, là, si en ce moment, son titre indé, justement, chez Image, chez Starange, qui est une espèce c'est les légendes arthuriennes version Space Opera, en fait, hein, qui est absolument incroyable visuellement. Et ouais, je trouve qu'il s'exprime vraiment dans ce truc d'art avec des inspirations très celtiques, où du coup, Batman et Wonder Woman vont devoir se rendre dans un espèce d'univers, un espèce de monde, justement, de ces personnages celtiques. Il y a un moment très rigolo, il y a le dieu de la fécondité qui débarque pour venir chercher Wonder Woman, et elle est avec Steve Trevor à ce moment-là. Ils sont au lit, ils ont été genre au bout dans une cabane, dans une forêt, je sais pas quoi, et pour être tranquille, ils sont sur le point de faire l'amour, et ce dieu-là arrive à ce moment-là, Et en fait, il s'assoit devant le lit. Il dit, allez-y, vous pouvez continuer. Et en fait, Trevor, quoi ? Et Wonder Woman, non, c'est un dieu de la fécondité, c'est un cadeau. Sur la caméra ? Ouais, c'est magnifique. Et t'as cette espèce de vieux gars qui assis sur une chaise. Allez-y, je vous bénis. Faites l'amour devant moi. Mais je vois Akil Giant dans le chat. Et bordel, j'aurais tellement pu choisir celui-là parce qu'effectivement, Akil Giant, oh, quel claque. Et le film aussi est très bon d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé le film Akil Giant. Mais voilà, vraiment, moi, c'est une œuvre. Ouais, c'est vraiment pour le côté artistique. Du coup, voilà, j'ai fait ma définition. Et j'y reviens tout le temps. J'y reviens tout le temps. Il y a un truc que je trouve incroyable visuellement dans ce titre. Et, je sais pas. Vraiment, il m'a fait un truc. Il m'a parlé. Ça marche sur moi. Voilà. Je l'ai lu celui-là. Je l'ai lu. Pas moi. Bon, je l'ai revendu. ça a moins marché sur moi. Mais Liam Sharp est un artiste, franchement, qui est fascinant dans sa manière d'aborder les dessins. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a un trait vraiment particulier qui lui est complètement propre et depuis des années et des années. Sur le Green Lantern avec Morrison, qu'on aime ou pas Morrison, voilà, mais le boulot de Liam Sharp est... Et ouf, il a fait du Hulk aussi à un moment donné. Enfin, ouais. Ouais, Batman, Batman Reptilian aussi. Et non, on peut. Oh, c'est un mec adorable en plus, mais il est tellement gentil ce type. Franchement, pour ceux qui ont pas, suivez-le sur Twitter. C'est un amour. Enfin, vraiment prêt à répondre à tout en plus. Enfin, une gentillesse absolue quoi. Day Tripper que j'ai reçu mardi du coup. Parce que j'ai la nouvelle édition. Non. Non, j'ai pas pris la nouvelle édition, je l'ai pris sur le bon coin, je sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'ai écouté un podcast qui s'appelle Comic Speak, où ils ont eu le plaisir de recevoir François Hercouet, directeur de publication, directeur éditorial, je sais pas le nom du titre, on s'en fout, enfin responsable, le big boss de chez Urban Comics, et il disait en fait dans le podcast qu'il avait très très envie de, qu'il avait eu envie en fait de venir chez Urban, si je dis pas de bêtises, notamment parce qu'il avait envie d'éditer des trippers. Et ça m'a interloqué, petite recherche de bon coin, 13 balles, frais de port compris, allez vendu. Et voilà, on va voir ce que ça peut donner. C'est vrai qu'il m'a toujours intrigué ce titre aussi. J'ai juste feuilleté comme ça, ouais, ça a l'air sympa. Le gars assis sur un banc avec un chien, là, non ? Ouais, c'est... ouais. Ah, voilà. Je sais pas de quoi ça parle, j'en ai pas la moindre idée. Mais il y a vraiment plein de gens qui disent, qui ont kiffé, quoi. Et toi, du coup, Mills, qu'est-ce que tu as choisi comme lecture la plus marquante ? Eh bah, du coup, c'est ce que moi j'avais compris à peu près la question, sans faire attention, du coup, au final. Moi, je voulais choisir Magnus au début, j'en ai déjà parlé. Magnus, c'est quand mon fils est né, je lisais ça, voilà, à la maternité. Parce que c'était un peu long. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Et du coup, ça arrive. Avec l'enculé qui va reprocher à sa meuf que c'est long. J'ai bientôt fini mon comics, faut se dépêcher maintenant. Oh non, pas maintenant, il reste deux pages. Non, non, évidemment. C'était un peu long, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, j'ai eu le temps de le lire entièrement. Et ça parlait d'une psychologue pour robots. C'était Rory Fornes qui. Je sais plus les auteurs, mais en tout cas, c'était un beau moment, tu vois. Et j'avais bien kiffé. Puis il y avait une histoire de naissance de la robotique. Enfin bref, j'avais affilié ça. Et du coup, il y a deux ans, ma petite deuxième qui est née, du coup, je lisais Dissunder. À ce moment-là. Donc, apparemment, quand je lis de la SF de bonne qualité, il y a des enfants qui viennent. Donc, moi, je mets une goutte à côté. Il y en a cinq qui poussent. Bref, au final, j'ai adoré ce truc. Je sais pas, T21, le petit gars qui est là pour tenir compagnie à un enfant sur une lune. Alors, je sais plus vraiment, parce que c'est un nom que j'ai pas lu. Mais ultra attachant. Et vraiment, j'étais dans la période où j'étais crevé et j'étais dans le mal. Je chialais à chaque chapitre, pratiquement. Tu vois, vraiment, j'étais en mode putain, il a fait ça. Putain, il a et fait puis ça. Ta femme qui dérangeait à côté en criant, en criant. C'est ça. Mais s'il te plaît, merde, non. Et du coup, non, magnifique histoire. Jeff Lemire, évidemment, le boss, quoi. Et Nguyen au dessin, pour vous montrer, c'est ceux qui ne connaissent pas, si toutefois ça existe. C'est du pastel. Voilà, c'est, je peux montrer ça, mais c'est magnifique. C'est tout est fait à la main, comme on disait. Il n'y a pas trop de traits. Il n'a pas un trait trop grossier. Il a beaucoup de couleurs, surtout beaucoup de pastels. Et des traits hyper fins. Ça donne des trucs un peu. C'est pas trop spoilé quand même. Mais du coup, on peut voir que pour le premier, il prend une série en un tome, tu vois. Ouais. Et pour la deuxième, du coup, il s'est dit, bon, bah, je prends une série en 6 tomes. Ouais, c'est, quand il dit que c'est long, tu vois, il s'est dit... Vous m'aurez pas, j'emmène un run. Et c'est dingue, en fait, ça parle de, bah, du coup, du fait de s'approprier une famille, du fait de... Tu vois, ça peut être très spécial parfois, tu vois, mais vraiment, je le conseille à tout le monde, si vous aimez... c'est comme c'est dans le chat, je dis beaucoup incroyable, mais c'est incroyable. Et ouais, je le conseille à tout le monde, c'est dingue, c'est en 6 tomes, ça se lit tout seul. C'est une histoire de malade, si vous aimez la science-fiction, si vous avez... Je pense que ça touche énormément les personnes qui ont des enfants, parce que forcément, tu te projettes, évidemment. Mais j'ai un pote qui l'a lu, qui n'a pas d'enfant du tout, qui ne compte pas en avoir, et le mec m'a dit qu'il avait été bouleversé, quoi. Donc, Jeff Lemire, voilà, le boss. Donc oui, je pense que c'est un comics qui m'a bouleversé, enfin, qui m'a marqué, en tout cas. Et je suis très content de l'avoir. Voilà. Ça m'a fait rappeler ma fille, et c'est une super édition de chez... Urban, ils ont fait un super boulot, les gars. Les covers sont magnifiques. Non, c'est cool. Franchement, top. Et il y a une intégrale qui sort là. Il y a le tome 2 qui est sorti là. Ouais, voilà. Et je crois que c'est en 3 tomes, c'est ça ? Ouais. Je crois qu'ils mettent, de ce que j'ai compris, ils mettent 2 tomes par intégrale, il me semble. Ok. Et puis là, c'est du coup gros format. Donc moi, je pense que Papa Noël 2027, du coup, je vais voir pour me le choper, quoi. Donc voilà pour moi. Et toi ? Que de passe décisive. Oh là là, futur imparfait. Non, mais tu vas devenir un gimmick. Hein. Non, et ben pas futur imparfait, mais ouais, je sais, c'est pas drôle, mais c'est pour ça que je vais passer très très vite. Mais forcément, c'est du Hulk et c'est un épisode très précis en fait du Hulk de Peter David. Et pourquoi c'est la lecture la plus marquante bah, tout simplement parce que de cette lecture-là a découlé tout le bordel que vous voyez derrière moi. Et donc, forcément, ça a légèrement changé ma life, cette lecture-là. Et c'est un épisode. Peter David au dessin d'Elkion et où c'est le Hulk qui rencontre le Punisher et c'est voilà, c'était juste incroyable et j'avais l'impression en fait de lire un film. Et à l'intérieur de ce tout petit comics, et ben, il y avait des références à un film qui me faisait halluciner quand j'étais gamin, c'était Terminator 2. Et je trouvais incroyable que la personne en fait, qui était en train d'écrire ce comics-là, ce comics Hulk, ce soit un comics qui soit si bon et qui soit capable de faire des références à un film que moi j'avais vu alors que lui, il était de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'y avait pas Internet à l'époque, les jeunes. Et j'étais gamin et je trouvais ça fou. Et je me disais, putain, il a aimé le même film que moi et c'est un truc de fou. Fait des références dedans et voilà et depuis et ben voilà j'ai pas lâché, j'ai pas arrêté et évidemment après ben, il y a eu tout un tas d'autres lectures mais ça c'est la lecture qui m'a vraiment marqué et impacté. Je vous demande pas si vous l'avez lu et on passe à la question suivante. Putain, c'est un personnage incroyablement intéressant certainement mais c'est vrai que putain il y a un moment où faut faire des choses. Juste quand tu oui. Un personnage ou deux personnages chez Marvel, tu fais la même chose, c'est DC. Tout dépend. Genre Batman, voilà, j'adore Batman. Oui. Bon, bah, c'est baisé, quoi. Tu vois, j'en ai qu'un. J'ai pas le choix, quoi. Ah ouais, mais en plus, voilà, c'est que tout dépend. En plus, c'est ce qu'on en discutait la dernière fois avec Anto, mais tout dépend en plus du personnage. C'est-à-dire que si ton fétiche c'est Daredevil ou bien c'est Hulk, tu sais que tu vas suivre une série. Si ton fétiche c'est Spider-Man, écoute-moi bien. Peter Parker, machin, spectaculaire, amazing, mes couilles sur la commode, Spider-Man. Enfin, c'est, il y a tout le temps beaucoup trop de séries, quoi. Donc, c'est hyper compliqué à pouvoir suivre. On passe à la question, la lecture doudou. Qu'est-ce que c'est que donc ça ? Qu'est-ce que donc la lecture doudou ? La lecture doudou, c'est la lecture réconfortante. La lecture où tu te plonges dedans juste par plaisir, soit par nostalgie ou soit par l'envie de débrancher le cerveau et de te plonger dans un truc qui est tout réconfortant. D'accord, donc c'était bien ça. Bon. Alors, pour ma part, la lecture doudou, je suis un grand fan de Superman et j'adore ce personnage. Et en plus, c'est marrant, c'est un auteur... Donc je suis pas forcément ultra fan normalement, et j'en parlais tout à l'heure justement de ce titre-là, c'est justement ce qu'a fait Tom King sur Superman pour le coup, parce que le truc aussi, lecture doudou, je me suis dit, c'est un truc que je vais relire, que je relis des fois quand voilà, je veux ressentir un certain truc, et évidemment avec toutes les lectures qu'il y a à faire, c'est compliqué de... voilà, je peux pas relire des runs entiers, enfin je le fais des fois, mais c'est quand même compliqué, et un titre que je relis quand même, que j'ai relu plusieurs fois, c'est justement le Superman Up in the Sky, qui était le titre à la base, du coup, qu'il avait... c'était pour Walmart. Le même moment où Bendis avait fait le Batman Universe dans la même collection. Et pour moi, c'est un titre qui a vraiment ce truc. Il va se déguiser. Regardez-le bien. Regardez-le bien, c'est Gérard Majax, il va se déguiser. Non, merde. Comment il s'appelait celui qui se déguisait comme ça en deux secondes ? L'Italien. Ouais, l'Italien. Arturo Brachetti. Arturo Brachetti. Oh, la référence de vieux. En fait, ils étaient deux. Je me souviens. Quoi ? Ouais, en fait, ils étaient deux. C'était ça le truc. Il avait un jumeau. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Oh, tu viens de briller. Non, c'est pas des conneries. Ça me tue, quoi. Ah, c'est comme si tu m'annonçais que le mec choisit le moment lecture doudou et il vient de briser un rêve d'enfant. Super, génial. Ça va être... bah, putain, on s'en bat. Bon, je suis triste. Mais je vais me réconforter en lisant encore. Tu vois, pareil, des briefs des comics. Je n'aime pas Tom King, je ne suis pas un grand fan. Et c'est bizarre, c'est une des rares fois où il a laissé son côté complètement dépressif de côté. Où il s'est dit, tiens, ça donnerait quoi si j'essayais de faire un truc avec de l'espoir au bout, avec de la joie. Et ça marche, en fait. Il devrait le faire plus souvent, il faudrait qu'il réessaye. Ouais, je sais pas. Tom King, moi, je trouve qu'il n'est pas trop... Enfin, je le trouve dépressif, oui, il a des sujets quand même. Mais je trouve qu'il est beaucoup... Il y a beaucoup de textes, en fait. C'est ça qui m'embête chez Tom King, moi. Ouais, non, parfois, ouais. Moi, c'est beaucoup d'introspection, énormément d'introspection, très peu de discours en face à face. C'est le côté où tu sens qu'un personnage qui va bien, ça l'emmerde, quoi. C'est vraiment, enfin, ça peut pas, enfin, ouais, non, il supporte pas, quoi. Alors, je comprends comme une partie de l'histoire, mais quand ta finalité, c'est de le faire aller mal, je trouve ça toujours bizarre. Mais non, je trouve ça vraiment génial. T'as vraiment ce côté Superman qui lâchera jamais l'affaire. Il y a une petite fille à sauver. Mais est-ce que tu peux t'éloigner de la Terre parce qu'il y a une seule petite fille à sauver quelque part? Et oui, parce que si c'est pas Superman qui va y aller, qui ira? Et il y a un dialogue à un moment entre justement son père et lui qui est absolument magnifique, justement sur ce que représente Superman. C'est vraiment comment il ira au bout et encore plus loin. Ça reprend plein de choses de l'histoire de Superman, mine de rien, de différentes manières. Il y a beaucoup de références et j'adore. Enfin, pour moi, c'est vraiment avoir compris Superman sur ce coup-là. Et c'est c'est dans une époque où on a tellement de côté avec plein de gens qui sont en mode Superman, c'est has-been, parce que voilà, c'est le Boy Scout, ainsi de suite. Bordel, on a besoin de Boy Scout, peut-être plus que jamais. Et tant mieux que ça existe encore. Et des fois, ça fait du bien juste voir quelqu'un qui relâchera jamais ses principes et qui juste fera tout pour faire le bien et ira jusqu'au bout, quoi. C'est juste, ça fait du bien. Ouais. Exactement. C'est du coup, ouais, j'aime ce titre pour ça, en fait. C'est voilà, il y a pas d'histoire de Il y a un enfant à sauver et je ferai ce qu'il faut et j'irai jusqu'au bout. Et c'est plein d'espoir. Et j'adore le dialogue de fin quand il la ramène sur Terre en plus. C'est absolument magnifique. Enfin, voilà. T'as le petit sourire et en même temps, t'es tout ému. Et voilà. C'est pour ça que c'est ma lecture de doux. Yes. Mon cher Ramon. Moi, c'est... Où qu'il est le doudou ? Mais moi, je les ai évités depuis tout à l'heure pour pas faire le dit. Mais moi, ça reste Spirou et Gaston. Moi, je me replonge dans un Gaston. T'es un peu en dedans, t'es machin. Tu m'ouvres quelques pages de Gaston et puis ça. Le sourire revient, etc. Il y a un aspect nostalgie de Gaston. Un aspect que c'est dans mes premières BD, c'était découvrir ça jeune, etc. Et puis bon, il y a un aspect familial, etc. qui fait que bon, ça y contribue. Mais Gaston, pour moi, ça reste dans mon cœur, et Spirou aussi, parce que c'est les premières aventures, entre guillemets, c'est dans les premières aventures que j'ai vécues. Voilà. Et je pense qu'une autre lecture doudou, ça peut être assez surprenant, mais c'est aussi, y a aussi un côté générationnel. Ça paraît con, mais moi, c'est les Titeuf. C'est-à-dire que moi, j'étais ado quand le tome 10 de Titeuf sort, qui était le Nadia's Mary. Le tome 10 de Titeuf, c'était un monument, etc. Et du coup, à mon époque, Titeuf, c'était la série, enfin le dessin animé, c'était les BD, c'était partout, et c'était un vrai phénomène. Mais c'était vraiment Zep, c'est aussi il est souvent catalogué à Titeuf, mais il y a une réelle prouesse d'écriture dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup de justesse, comme il y avait beaucoup de justesse en fait dans toutes les œuvres qu'il a fait derrière, et à chaque fois qu'il s'adresse aux enfants. D'ailleurs, ça paraît con, hein, mais son guide du désir sexuel, c'est un truc, c'est une mine d'or, hein, pour les ados, c'est un truc de folie tellement c'est bien expliqué. Non, mais je le dis parce que j'étais au collège 6e quand c'est sorti, je crois. Ah, mais, et le truc, c'est que Titeuf, c'était il y avait le tome 10 de Nadia's Mary et les Titeuf, c'était pareil, c'était un truc, je me plongeais dedans, tu rigoles, voilà quoi, ça paraît. C'est ce côté doudou, moi c'est vachement en fait les séries humoristiques que j'avais quand j'étais jeune. Quand je chopais un Titeuf ou un Kid Paddle à la bibliothèque, c'était jackpot. Parce que c'était les trucs qui partaient tellement vite. C'était les trucs, si genre c'était en bac, t'avais un gamin qui passe, il reprenait ça, en fait, à ramener, à emprunter à la bibliothèque. Et quand t'arrivais à en choper un, c'était jackpot. Moi, je me souviens encore le jour où j'ai réussi à choper le Nadias Marie à la bibliothèque. C'était, t'as gagné à la loterie, quoi. Mais c'était, ouais. Moi, ce côté doudou, je le retrouve vachement dans les séries humoristiques que j'avais, que je lisais quand je lisais vraiment jeune et dans Gaston. Parce que Gaston, c'est magnifique. Moi, c'est Gaston, c'est mon Graal à moi. Quoi. Ouais. Ouais, carrément. Que te dire de mieux, Mills. T'as pas une tête à avoir des doudous, toi. Bah, tu te voilà, j'ai un M16 que mon grand-père m'a. Je l'appelle avec tous les soirs. Moi, j'ai deux doudous. Du coup, j'ai celui que je suis en train de vivre en ce moment avec mon fils, c'est-à-dire les Picsou Magazine. Moi, c'est là, on relit des trucs de, enfin, des trucs qui coûtent que dalle, 3 euros. T'as une intégrale de Picsou Magazine, gros comme ça, avec des histoires d'horreur. Entre parenthèses, avec Riri, Fifi, Loulou. Enfin, putain, c'est tellement incroyable de revivre ça avec mon gamin. Et moi, je me rappelle à son âge, je lisais la même chose. Et j'en ai toujours un d'ailleurs, quelque part par là, qui est vieux, qui sent la vieille clope parce qu'à l'époque, ça fumait dans la bagnole. Tu vois, nous, t'es derrière, il n'y avait pas de ceinture. Enfin, c'était voilà. Ce Picsou, il a pris la gueule du temps, tu vois. Et ça, c'est mon doudou, vraiment, ça a la gueule d'un doudou, quoi. Tu sais, le lapin qui ressemble à un chiffon, quoi. Ah, c'est pareil. J'ai ça. Et en tant que lecteur de comics, j'ai Watchmen. Watchmen, c'est un truc, c'est le début de ma lecture de comics. Je commençais par Captain America, les Sentinelles de la Liberté. Je suis parti sur Batman, et puis je suis directement arrivé sur Watchmen. Et Watchmen, je sais pas, le dessin, je trouve, de Dave Gibbons est vraiment réconfortant. Les couleurs un petit peu passées, cette façon de mettre en case, je sais pas, même si c'est pas quelque chose de très gay, ça raconte pas quelque chose de très gay. Je trouve tout cet aspect des super-héros dépassés, des Minutemen et tout. Enfin, je trouve ça. Moi, je suis voilà, c'est mon œuvre ultime hein, de toute manière, Watchmen. Mais c'est magnifique cette histoire d'amour entre le hibou et tout. Enfin, c'est vraiment, il y a rien à acheter. Et quand je plonge là-dedans, moi, il y a rien de mieux. Tu mets un petit verre de whisky devant une cheminée avec avec ça dans les mains. Tu me laisses 3 heures. Sur une popette nue. Ah ouais, bah si possible, voilà. J'irai pas plus loin sinon on va me traiter de misogyne. Mais du coup, tu vois, même les histoires du pirate, les histoires du pirate que tu peux lire à la chaîne, j'adore cette histoire. Je sais pas pourquoi, elle a quelque chose d'attendrissant. Et ouais, depuis que je suis lecteur de comics, vraiment Watchmen, c'est ma petite Madeleine de Proust, c'est mon petit. C'est mon petit mot. Quand ça va pas trop, je lis ça et vraiment, et je le lis une fois par an. C'est tous les ans, au moins une fois par an, je relis Watchmen, qui est une œuvre cultissime, imminemment importante dans l'histoire du comics. Quoi. Donc voilà. Voilà mon petit doudou à moi. Et toi, Gé? En fait, vous avez déjà tout dit. Ça. Gaston, forcément, voilà, c'est forcément du doudou pour moi, mais je ne vais pas le redire. Mais c'est, on va dire, d'une manière générale, toutes ces bandes dessinées d'enfance, tous les Astérix et Obélix qui m'ont toujours fait triper, les Schtroumpfs, les Lucky Luke, évidemment les Gastons, tout ça c'est vraiment vraiment du vrai vrai bon gros doudou. Tout à l'heure, c'est vrai qu'en off on parlait de Dragon Quest, mais c'est j'adore, c'est, évidemment, mais c'est vrai que c'est même pas un truc que j'ai envie de relire maintenant parce que j'aurais peur de l'abîmer avec mes yeux de quadra maintenant, tu vois, c'est vraiment un truc d'ado et je préfère en garder une image idéalisée plutôt que de les relire. Il y a la nouvelle édition là, qui est en train de sortir. J'ai acheté les deux premiers tomes et puis je pense pas que je poursuivrai parce que j'aime pas cette réédition. Et puis au final, je sais que je vais pas les relire. Et mon grand préfère l'autre édition que j'ai. Donc du coup, j'irai même pas au-delà. Mais sinon, ouais, c'est vraiment c'est des lectures de jeunesse, des lectures d'enfance. Si je reviens un tout petit peu sur les comics. Je pense aussi beaucoup aux FF, aux Fantastic Four que je pouvais lire dans les Nova. Et régulièrement, c'est vrai que j'aime bien me prendre des vieux Nova que j'ai. J'ai eu la chance de pouvoir, au fil des années, réussir à tous les collecter. C'est encore, je crois que c'est encore le cas maintenant, une des grandes séries semi-hic, Lug, qui était encore assez facilement... achetable, voilà, parce que tu prends les premiers numéros de Strange, maintenant ils sont à des prix débile, parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et c'est vrai que j'adore de temps en temps me replonger, tu vois, dans des vieux albums, en fait, des vieux Nova, parce que à l'intérieur, bah, tu retrouves les FF, tu retrouves les Spectacular Spider-Man, tu retrouves le Surfeur d'argent à l'époque de Ron Lim, Ron Mars. Et ça, c'est vraiment, vraiment du doudou pur et dur, quoi. Je me rappelle de Nova, donc le magazine Nova, où il y avait un épisode des 4 Fantastiques que j'avais chopé chez un bouquiniste, où c'est la création par Galactus d'un nouveau héros. Et c'était Terrax. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, mais c'est vrai que pour moi à l'époque, le fait de voir Galactus créer un nouveau héros, j'avais l'impression en fait d'avoir chopé un comics qui était incroyable et d'avoir chopé un numéro des 4 Fantastiques qui comptait d'une manière incroyable. J'avais la naissance d'un vilain de l'univers Marvel, et c'est des numéros que j'ai poncé et reponcé et reponcé, et que j'ai racheté quand c'est sorti en omnibus. Et vraiment, ça, c'est du doudou comics, vraiment, quoi. C'est incroyable. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, je crois, en France à aimer les 4 Fantastiques, et je le regrette, mais moi, c'est un truc, c'est une équipe que j'aime vraiment pour deux côtés. Le côté famille, j'y suis très attaché à ce concept de famille, de clan, d'être unis et solidaires les uns avec les autres, malgré les différences qu'on peut avoir au sein d'une famille, et en même temps ce côté explorateur spatial, dimensionnel, où à chaque épisode, tu savais jamais en fait sur quoi ça allait s'ouvrir. Et j'avais une grosse affection en fait pour Ben Grimm, pour la chose, pas pour le côté colosse en pierre qui met des coups de poing, qui peut être assez proche finalement de ce point de vue-là d'un Hulk, mais j'adore le Ben Grimm dont l'armure en fait se fendit, et on sent vraiment que c'est un personnage qui est blessé, torturé, et qui est au fond de lui d'une infinie tristesse, et qui surmonte en fait cette infinie tristesse pour aller tout le temps de l'avant, être un exemple, être un moteur. Et voilà, j'adore Ben Grimm, quoi. J'adore, voilà, les 4 Fantastiques, c'est vraiment du lourd. Et là, dans quelques jours, il y a un bel omnibus qui sort, et j'ai ces épisodes là, vous voyez, ils sont juste là, je les ai, mais je vais prendre le bel. Oh, bah c'est mort, il a même pas besoin de me contacter. C'est cuit, t'embête pas. Gâche pas un appel pour ça, ma couille. Je suis sûr et certain que je vais le prendre, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est des petits trésors de collection. Je devrais pas le prendre, c'est ridicule. J'ai les épisodes dans un autre format, dans un autre truc, mais là, on est vraiment sur un délire que j'explique pas, qui est certainement un peu malsain, mais j'ai envie de les avoir dans une belle édition. Ouais, mais ça dépend de ça. Ouais, moi je l'ai aussi. Hein. Ce délire-là, des Punisher, moi je l'ai tout. Hein. J'ai Omnibus, Icons, Issue. Je l'ai même en américain. Il y a des trucs que j'ai fait importer. Alors que le Punisher, c'est un sudiste, un redneck raciste. Mais je déteste l'histoire, elle est chier. Mais je les ai, quoi. Tu vois, c'est. Il y a des trucs bien vénères, hein, des Punisher qui sont sortis, attention. Mais sur le côté doudou, c'est marrant. Pareil. Ces moments quand t'es gamin, moi je sais que le premier truc qui m'a marqué dans un Strange, je crois, un truc comme ça, c'était Spider-Man qui devenait Captain Universe. Et parce qu'il devait aller battre une sentinelle, machin. Et je crois que c'est le premier moment marquant où j'avais l'impression qu'il passait un truc dedans. Tu l'as ? Ouais, il doit être par là. Quand, ça fait un moment qu'il allait pouvoir, mais en fait ça avait été bloqué par un rayon et du coup il savait pas. Et ouais, il se transforme en Captain Universe du coup quand il faut. C'était la folie. Il avait juste ce truc là en toile encore. Il est tellement fort. Ah ouais, mais il envoyait du lourd. Ah, ça m'a rendu fou, gamin. J'avais l'impression de vivre un moment incroyable. Et voilà, ouais. C'est le premier moment, moi, vraiment, qui m'a marqué dans ma lecture de comics. C'est ce truc-là, cette transformation-là. Mais c'était dans ces trucs-là. Voilà. Côté attendre aussi que ça sorte aussi, en fait. toutes les semaines, tous les mois. Il y a aussi vachement ça, quoi. Maintenant, c'est vrai que moi, je l'ai connu avec Picsou. Voilà, je chopais toutes les deux semaines à un moment. Donc, bref. Mais il y avait ce côté très... dans l'attente, en fait. Ouais. Alors qu'en plus, dans Picsou, c'est la plupart du temps des histoires qui ont un début et une fin. Mais quand t'arrivais sur un cliffhanger de fin et qu'il fallait attendre le tome de la semaine d'après ou de deux semaines plus tard, mais c'était incroyable. Ah, mais j'en ai tellement, des Picsou géants, des le feu. Remets ton nez dedans, tu vas voir. C'est le feu. Oh, moi, j'adore. J'ai lu les intégrales, du coup, comment j'ai toujours un trou sur les deux auteurs cultissimes de Picsou. Dan Rosa. Dan Rosa et. Ouais. Et je sais plus. Au pire, le chat. Gary Kasparov. Voilà, exactement, bien sûr. Non, le chat pourrait nous aider. Mais oui, non, je me suis relu les intégrales. Une copine qui avait ça, elle me l'avait prêté. Putain, c'est incroyable. La réécriture vraiment de l'histoire de Picsou. Comment se servir de tous les éléments qui existaient pour en faire des trucs. Enfin, oui, voilà, merci. Karl Marx, c'est ça qui est. Karl Marx, merci, ouais. Et, Karl Marx ouais, ouais, non, c'est celui qui a écrit Capital. Ou... Non. C'est autre chose, c'est autre chose. Ce qui colle très bien, du coup. Mais oui, c'est vrai qu'il a aussi écrit Picsou. Et c'est génial. Vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'en plus, c'était imprimé sur du papier de merde, genre proche du papier cul. Tu vois. Ah oui. Putain. Oui. Tu vois, il suffit d'en parler, je vais jamais les retrouver. Ça va me rendre de dingue de pas les retrouver, ce putain d'épisode absolument incroyable. Ah, mais je l'ai en plus, ça aussi. Hein. Je sais que je l'ai quelque part. Mais faites comme chez vous, les gars, putain. Mais oui, vous avez raison, merde, on va poser son merde. Oh, fait chier, j'ai horreur de pas m'en rappeler, de savoir où c'est. C'était un moment incroyable, je l'ai lu et relu aussi ce truc, c'était fou, quoi. Putain. Ah non, c'était plus tard, ça y est, je suis remonté trop loin, et merde. Ça y est, et puis il va devoir tout ranger, après, il va être rangé. Ah ouais, j'en ai collé de partout, c'est le bordel, oh putain. Il va vider, il va vider sa bibliothèque, là. Là, c'est mort, là, je suis sur la partie pareil, ça, tu vois, le Spider-Man de Todd McFarlane là-dedans. Ah putain, c'était un strange, j'étais pas dans la bonne série. C'est dans celui-là. Trouver. On va le trouver, on c'est, va le trouver. C'est strange combien 257. Et t'as la phase de la transformation. Oh putain, je l'ai pas, je sais pas où il est. Où tu vois juste autour des yeux qui se transforment en bleu au départ. Et... Ah yes. Bim, il devient Captain Universe. Ah, let's fucking go. Ah, je l'ai quelque part, c'est sûr. Il est trop. Mais cherche pas, c'est Deviant qui l'a. Quelle tristesse. Alors, j'ai complètement lâché le chat. Ça se trouve, il y a des mecs qui s'insultent dedans. Désolé. Hein. Non, ils te disent de ranger ta chambre. Désolé. Qu'est-ce qu'on disait? C'est bon, les doudous, c'est fait. Les doudous, c'est fait. Il en reste plus que deux. Et oui. Et là, on rentre dans la catégorie, évidemment. Ouais, un petit peu triste. Alors là, du coup, c'était une œuvre, donc la lecture qui vous fait pleurer. Donc là, c'était pour un titre que vous avez lu et qui vous a fait pleurer. J'aime bien les petits éditos de Dramout avant de C'est beaucoup plus clair. Il m'a demandé d'expliquer, moi j'explique, j'en suis... Non, t'as bien clarifié la situation. Nous t'en remercions. Je trouve ça très très intéressant. Et ben du coup, pour le coup, j'ai pris une lecture qui est assez récente, pour ma part. Un manga qui m'a vraiment bien marqué quand même. Ça s'appelle Takopi's Original Sin, le péché originel de Takopi. Waouh. C'est spécial. C'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Tyson 5, et je comprends qu'il prenne un pseudo pour écrire tout ce qu'il écrit. En gros, l'histoire, c'est un petit extraterrestre qui vient de la planète Happy. Et c'est une espèce de petit octopus, enfin, c'est une espèce de petite boule avec juste deux petites tentacules, mais tu vois, vraiment dessiné, c'est un rond avec deux machins qui partent. Et son but, c'est de rendre les enfants heureux. C'est de rendre Manga, tentacule, enfants heureux. Non, on va pas aller sur ce terrain-là. Le truc, c'est qu'en fait, il rencontre une petite fille, et toi, tu le vois, quand tu la vois qu'elle a pas l'air bien, cette petite fille, qu'elle est toute mignonne, qu'elle pleure, qu'elle est toute sale, machin. Et le problème, c'est que ce petit extraterrestre qui veut rendre les gens heureux, en fait, il comprend pas bien les émotions humaines et il se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Et c'est un manga hyper chelou parce que. Alors, c'est en deux tomes. Il est sorti. Enfin, il va sortir en janvier, je crois, ou février. Et il y a un décalage entre, du coup, ce côté de ce petit extraterrestre là, qui veut rendre les gens heureux, machin. Et il se passe des choses absolument horribles partout autour de lui. Mais on n'en doute pas. C'est qu'il arrive à la gamine, c'est saloperie sur saloperie. Je vais pas dire, mais ça va loin. Enfin, ça arrive à de la pendaison, à des trucs, enfin des plans. Et lui qui est au milieu en mode, hey, je vais te faire sourire, ça va. Oh là là, let's go, moi je peux pas ça, c'est pareil. Et il comprend rien ce qui se passe. Ah, c'est ton amie. Oh, c'est super que t'aies une amie. Elle est en train de la tabasser, l'autre fille, en fait. Elle la tabasse, mais vraiment. Et en mode, elle a les yeux gonflés après et tout. T'en as une qui se fait taper par sa mère. Enfin, t'as des rapports tout, mais ça vient de tous les côtés. Tu te dis, tu sais, ça m'a fait le même effet que le tombeau des Lucioles. Où pendant tout le long, t'es là. Laissez-les tranquilles. Arrêtez de leur faire du mal. Et toute la lecture, c'était ça, c'était arrêté. Et vraiment, ce décalage rend ça encore plus perturbant, en plus, vraiment, quoi. C'est génial. Et en plus, t'as vraiment un twist de milieu, enfin, en fin de premier tome, du coup, qui est vraiment grave, qui redonne une toute nouvelle vision à l'histoire. Et du coup, dans le deuxième tome, t'as l'histoire sous un angle différent, sans en dire trop. Et tu chiales parce que c'est horrible, t'as juste envie. Et en plus, tu le vois, lui, il a les meilleures intentions du monde et tout ce qu'il fait tourne mal. Et même lui, on vient faire des choses horribles en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la perversion, quoi. Ouais. Mais je veux pas spoiler parce que du coup, ça m'embêterait. Mais il y aurait des. Oh là là, non, c'est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Il y a des morts, il y a de tout ce que tu veux. Enfin, c'est à lire. Vraiment à lire. C'est du coup, ouais, c'est le péché originel de ta copie. Et c'est, ouais, je le conseille. Je vais regarder ça, moi, je vais chier comme une merde. Ah, c'est. Je le mettrai pas dans mon panier Amazon. Oh non, là, je suis en train de dire Poun Poun. Hein, et dans le genre, Poun Poun, pour ceux qui connaissent, c'est bien. Bah voilà. Bon, bah. Pour ça que je disais que je suis dans ma période manga bien joyeux, quoi. Ça te mine le moral, Poun Poun. Ah, je me mets bien, je sais m'amuser, moi, vraiment, tu vois. Et toi, du coup, Drame ? Moi, c'est. Je pense que j'hésitais entre deux. Je pense que. Celui qui m'a vraiment le plus donné cette sensation de cœur serré, de vraiment d'avoir l'émotion qui remonte, c'est quand j'ai eu Stranger in Paradise, parce que il y a tout un passage. Alors il y a quatre blocs en fait. C'est quatre gros pavés chez Delcourt, mais surtout les trois premiers qui on va dire sont plutôt la série originelle. Et dans le deuxième, il y a une scène qui est tellement qui arrive d'une manière tellement c'est abrupt. Tu te le prends de pleine face et tu le subis, quoi. Tu te le prends plein fouet. Et moi, je m'y attendais pas. Et il y a tellement d'attachement à tous les personnages, à toutes les relations entre eux, etc. Ce qui fait que tu te retrouves. Moi, je me suis pris en quelques pages l'émotion qui remontait, mais complètement. Et c'était vraiment. Je pense que ça doit être vraiment la fois où j'ai une émotion des plus. Des plus fortes dans l'une de mes lectures comme ça, enfin sur ces émotions, dans le sens tu sais c'est ce cœur qui est serré et t'as les larmes qui montent. Et c'est, ouais, je pense que c'est Stranger in Paradise. Moi, c'était vraiment c'était, ouais, le soir, putain, j'avais pas bien dormi, j'y repensais. je lis le soir dans mon lit et je me fous au lit, putain, j'y repense. J'ai la scène qui reste en tête. En plus, le dessin de Terry Moore, moi, il fonctionne à fond sur moi. Et ce contraste noir et blanc hyper fin, moi, j'adore ça. Et du coup, tu fermes les yeux et tu as les planches, tu sais, qui t'apparaissent, qui te restent en tête, quoi. Et c'était... c'est Stranger in Paradise. Stranger in Paradise. Ok. J'avais bien aimé la réponse de Jérém Papa Comics. Dragon Ball Super, ce qu'ils ont fait à Goku. J'ai arrêté à cause de ça. Et ça marche trop bien comme réponse. Et ça marche trop bien. Et mon Milsounet. Ah oui, Milsounet. Oh. Ah bah ouais, mais si. Impossible de. Enfin, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur ma chaîne, mais le mec qui pleure pas à ça, c'est pas humain, quoi. Enfin, vraiment, le Bobby Baylor là, Bailey. Tu vois ce qui lui arrive. Putain la vache. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental. En plus, c'est dessiné par Barry Windsor-Smith, mais moi, j'aime bien son dessin, si tu veux, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Et des fois, c'est un petit peu... puisque les personnages se ressemblent pas mal. Tu vois, je prends une page au hasard, mais vraiment, les personnages... Du coup, t'as ton imagination qui travaille énormément. Et du coup, tu t'investis d'autant plus dans la lecture. Et quand tu vois ce qui lui arrive... Et de toute manière, moi, tout ce qui touche aux enfants, de par mon passé, des adultes envers les enfants, bah ça me met mal à chaque fois. Et du coup, là pour le coup, j'étais servi, quoi. Enfin, vraiment, c'était un truc de psychopathe. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas, voilà, qui connaissent pas, mais lisez ça, ça va vous mettre une torgnole et c'est pas une claque joyeuse, quoi. Vraiment, c'est assez lourd. Et puis, bah, en plus, tout expliqué. Enfin, c'est un livre qui est hyper, enfin un comics qui est hyper complet, c'est-à-dire que tu as le point de vue de chaque antagoniste et protagoniste, en fait tout est expliqué. Donc les méchants, t'es dans leur tête, c'est des méchants, il y a pas de problème. Donc en fait, tu te dis comment on peut arriver à une telle déshumanisation d'un être humain, en fait. Et t'hallucines, quoi. Donc vraiment, ça, c'était vraiment très très lourd, très très lourd. T'avais hésité à le mettre là ou en lecture doudou? non, pas du tout. Je vais te dire un truc, si vous avez une semaine difficile, un petit moment de dépression et tout, ouais, c'est pas le moment de lire Monstre, hein. Je te le dis. Non, pas ce monstre, ouais. Moi, c'est une œuvre, je pense que je serais pas capable de la lire. Pareil, impossible. Mais je vais la regarder quand même, c'est possible que je puisse ne pas la relire. Ouais. Eh ben pareil, moi je ne la revendrai pas, c'est sûr et certain. Je pense que si j'ai un de mes enfants qui m'embête, je lui la ferai lire. si j'ai quelqu'un qui rentre chez moi, je le taperai avec. Mais... Tu vois que c'est la belle vie, petit. Putain. Oh, mais c'est... Tu vois quoi t'as échappé ? Alors attention. Non mais c'est assez incroyable en fait comme bouquin. Vraiment. Mais... Et puis face jusqu'à ça sort vraiment chez tout le monde. Jusqu'à la fin, putain, t'es là. Oh là là. Et il y a même un côté où, sans rentrer trop dans les différentes thématiques, mais il y a un côté où ça explique en fait les mécaniques du harcèlement, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Ah non, c'est viscéral. Hein. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que s'il y a des gens qui, plus jeunes, ont été victimes de... peu importe une forme de harcèlement, s'ils lisent ça, je me dis que des fois, ça peut les renvoyer à des trucs de leur vie et les faire réfléchir. C'est pour ça que c'est extrêmement intense. C'est une petite arme, parce que les gens qui ont vécu des trucs similaires ou pas, moi, je leur conseillerais jamais de lire ça, parce qu'on ne va pas dans le moral positif, quoi. On est vraiment à l'antipode de ça, et c'est vraiment pour le coup, hein, c'est rare que je le dise, mais c'est une œuvre à ne pas mettre entre toutes les mains, véritablement. C'est, pour moi, c'est une arme, en fait. Les mots ont autant d'impact que les gestes et les actes. Et c'est pour ça qu'on aime autant le comics, c'est que ça nous touche à cœur. Sinon, on ne serait pas là à se faire chier pendant... Non, je déconne. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est hyper violent, quoi, pour moi, les mots. Donc, effectivement, ouais. Quand tu as une œuvre comme ça... Les mots et les silences aussi. Il y a des silences qui sont... Le dessin, c'est angoissant. Enfin, ça sert bien. C'est comme en musique, hein, les silences comptent et sont importants donc, dans le rythme de lecture. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de parler de ça. Je trouve que c'était très belle phrase. Ce que j'expliquais souvent quand j'entendais la compagnie créole, les silences sont importants. Oh oui. Ou alors, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, il y a d'autres. T'as peut-être d'autres morceaux à nous conseiller. Chikalekatam. Allez, on verra plus tard en deuxième partie de soirée. Du coup, ouais, c'est à moi. Putain, ouais, c'est le moment joyeux. Hein. Attends, on a bien fait de le mettre en avant-dernier, celui-là. On a bien fait. Parce que le dernier, au moins, il est pas mal. Ouais, on finira sur une note positive. Parce que là, petit, on a tous envie de se tailler les veines. C'est compliqué. Moi, j'ai envie de dire Dr. Star par Jeff Lemire. Et j'ai mangé le nom du dessinateur, qui est incroyable aussi. Putain, le mec il a rien préparé. Hein, chez... Enfin bon, Docteur Star de Jeff Lemire, j'ai jamais entendu parler de ça. Dans l'univers de Black Hammer. Hammer. Mais vous pouvez, c'est tout petit, c'est pas cher, vous pouvez le lire. Il y a un docteur Andromeda avec qui ont dû changer. Pardon ? Je pense que c'est devenu Docteur. Enfin, ils ont dû changer, enfin bref, on s'en fout. Ah bon, ils ont dû changer le nom ? Ouais, parce qu'en fait, le logo était pris. Il y a Isoca par terre. Et c'est devenu Docteur Andromeda. Et le dessinateur, d'accord, c'est Max Fiumara. D'accord. Et ben moi, ça restera Docteur Star à tout jamais dans mon petit cœur de lecteur. Et c'est un personnage donc du coup de cet univers de Black Hammer qui est un petit peu entre un... Tu m'arrêtes si je me trompe. Entre un Green Lantern et Reed Richards des Quatre Fantastiques. Et il va lui arriver tout un tas de choses. Et c'est surtout en fait la relation avec son fils qui va être mise en avant. Entre son parcours à lui et la relation avec son fils. Et le dénouement de cette relation, là c'est pareil, si vous êtes papa ou maman ou même en pensant à votre père ou peu importe, c'est le genre de truc qui peut vraiment vraiment vous arracher le cœur. Et j'ai rarement eu autant, j'ai jamais eu en fait un moment de désespoir et de peine aussi grand en lisant un truc, quoi. Non, non, vraiment, c'est génial, ouais, hein, génial. Parce que c'est triste. Mais à meuf, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et ça m'a fait, un petit peu ce sentiment-là, là, quand on a fait la review de tous les Aquaman Rebirth, il y a un annual d'Aquaman Rebirth qui est dessiné par Fiumara, justement, où il y a aussi une relation entre guillemets père-fils qui est dépeinte et qui est, mais c'est pareil, il t'arrache le cœur. Fiumara, mais d'où te vient cette joie de vivre? c'est incroyable, mais vraiment, c'est un truc à lire. Que vous ayez lu ou pas Black Hammer, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir lu Black Hammer. C'est un petit bonbon à part issu de cet univers. Et parfois, si à un moment donné vous avez envie de chialer, vous sentez que vous en avez gros, mais ça n'arrive pas à sortir, Dr. Star, et crois-moi que derrière, tu chialax comme une grosse madeleine. C'est très très fort comme lecture, vraiment. Yes. Et souvent, quand tu veux chialer, de toute façon, tu prends du Lemire. Le rapport aux enfants. Ou Lemire solo. À la parentalité. Parce que Lemire solo, t'as toujours du deuil et t'as toujours la relation parent-enfant qui est au centre du truc. C'est tout le temps ça. Et il est tout le temps. C'est sa marque de fabrique. Ouais. Et c'est souvent, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, sur moi, souvent, ça touche juste. Enfin, ça me. Je suis rarement resté insensible sur un Lemire solo. Tout à l'heure dans le chat, il y avait beaucoup de trucs marquants et beaucoup, par exemple, son Masbook, enfin donc son labyrinthe inachevé qui ressortait. Moi, je sais que par exemple sur moi, ça fait mouche aussi, quoi. Ce genre de truc. Le labyrinthe inachevé. Moi, il est sympa, mais c'est, je trouvais ça rapide, tu vois. Ça reste un bon Lemire. Je suis bien aimé. C'était sympa à lire. Mais voilà. Oh putain, allez, on va vite passer à la section suivante qui est la dernière. On va bien rigoler. Dis donc, les troubadours, c'est le moment de revenir. C'est bon, prépare-toi, Miss, à ressortir monstre. T'imagines, un jour, on invite quelqu'un, il nous dit alors monstre, et moi, je me bidonne. Allez. Alors, du coup, la lecture qui vous fait rire, c'est la lecture où vous avez lu, vous avez rigolé. Moi, d'accord. Je suis totalement dedans. Du coup, alors... j'ai hésité. Dans les souvenirs, ça, c'est moins marquant, peut-être, ceux qui te font rire que ceux qui t'ont fait pleurer, pour le coup. C'est peut-être moins quelque chose dont tu vas réellement te souvenir, pas de la même manière, en tout cas. Je sais que dans ceux qui m'ont beaucoup fait rire, j'aurais pu citer. Alors, il y a le run de Tom Taylor sur Wolverine. Parce qu'il y a des pages avec Deadpool qui m'ont fait vraiment mourir de rire. Je me rappellerai toujours d'une page où c'est Deadpool qui va attaquer un espèce de centre avec Honey Badger, la petite gamine, du coup, l'autre clone. Et il y a des animaux zombies, et entre autres, il y a un paresseux zombie qui du coup vient les attaquer. Mais évidemment, tu as cette planche qui se répète, enfin, avec cette case qui se répète, où il met 10 ans à arriver. Il y a une machine de soda au milieu des deux. C'est beau, tu veux pas un truc en attendant? Je veux la vengeance! Ils ont du soda. Ouais, un soda alors. Et ils attendent ça. Sinon, il y a West Coast Avengers, que j'avais pas mal aimé, pour le coup, Kelly... Thompson. Kelly Sue DeConnick. Thompson, merci. Non, Kelly Thompson, effectivement. Que j'avais vraiment bien apprécié, qui après était passé sur Deadpool, d'ailleurs, sur l'arc Roi des Monstres, qui était plutôt cool, vraiment plutôt malin, je trouvais. C'était un bon petit... qui n'a pas duré très longtemps, mais qui était plutôt très sympa. J'aurais pu dire My Pal Jimmy Olsen, aussi, qui était plutôt cool, qui a gagné un Eisner d'ailleurs, je crois. Mais je me suis décidé pour un truc qui est irracontable, histoire de bien me foutre dans la merde. C'est God Hate Astronaut. Qui est sorti chez Image, pour le coup. C'est écrit et dessiné par Ryan Brown. C'est vraiment barré. En fait, c'est une équipe de super-héros. Sauf que tu les suis pas vraiment faire des trucs de super-héros. L'histoire commence, t'as des espèces de rednecks qui, dans leur grange, ont fabriqué un vaisseau spatial à base de leur silo à grains. Et cette équipe doit les arrêter, mais évidemment, ça part complètement en couille. Complètement. Tu comprends pas trop, parce que celui qui a l'air d'être le chef de l'équipe, c'est un type, un espèce de Superman, sauf qu'il a une tête de cheval à la Ghost Rider, parce que c'est une tête de cheval, mais avec des espèces de flammes bleues. Tu comprends pas trop ce qui se passe, tu comprendras plus tard. Leur chef, c'est un mec, le grand patron de l'équipe, c'est un mec qui a une forme humaine, mais avec une tête d'hippopotame. Sur c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous égaux au niveau de nos goûts. Ouais, sur un char à la baignure, tiré par deux centaures qui portent des tenues de cosmonautes. Mais qu'est-ce que c'est? c'est complètement barré, mais c'est super drôle. Et c'est, tu te laisses emporter, en fait. C'est vraiment fou, c'est complètement psyché. Mais ouais, vraiment, tu te laisses emporter. C'est hyper bien illustré, c'est magnifique, les dessins, vraiment, en plus. C'est très, très beau. Tu dis, c'est très bizarre que ce genre d'histoire et ce genre de dessin, en fait... Qui est... Et ce genre de financement, surtout. À quel moment, il y a un mec qui a dit « Oh, putain !» Bah oui, bien sûr, tiens. Ouais, aussi. Mais tu comprends plus tard, en fait, pourquoi le mec a une tête de cheval, parce que du coup, tu comprends qu'il y a un moment où sa tête a explosé, et au même moment, il y avait toute une histoire avec un espèce de cheval fantôme, et du coup, il a récupéré la tête de ce cheval pour en avoir une. Ouais, mais c'est un peu genre Daniel Warren Johnson, les trucs, ouais. Les dessins un peu explosés. Au lieu de les suivre faire du super-héroïsme, tu les suis plutôt dans leurs histoires de tromperies entre eux, d'histoires à la con, d'hémorroïdes, des trucs bien, quoi. Franchement, c'est un truc qui est plus barré que j'ai lu, je pense. Et très bon souvenir pour le coup, God Hates Astronaut. C'est dispo en VF, ça ? Non, je l'avais jamais chopé. En fait, il y avait une campagne pour ressortir l'omnibus. Du coup, il avait fait une campagne Kickstarter et j'avais chopé en numérique, du coup, parce qu'avec les frais de port, c'était une erreur. D'accord. Et pour toi, Dram ? Pour pas retomber dans le Gaston. Moi, je me souviens, il y a quelques années, en fait, je m'étais retrouvé à lire pas mal de Fluide Glacial et à vraiment découvrir tout le travail de Gottlieb. Et en fait, en me replongeant dans tous les travaux de Gottlieb, etc., regarde tout ce qu'il avait fait. Et en fait, je suis retombé du coup sur les Gellurons, que je connaissais juste de nom et que j'ai vraiment découvert. Et j'en ai dévoré et dévoré et dévoré parce que Gelluron, c'est l'humour que j'aime, c'est l'humour, c'est un personnage inexpressif, complètement las, qui se retrouve à être complètement dans l'absurde, mais il y a énormément d'humour sur la société, sur, pas mal d'humour noir, de choses comme ça, et l'humour est en fait assez subtil, tout en n'ayant pas forcément un sens, et moi j'adore l'humour absurde, et je me suis vraiment, c'est vraiment une BD, enfin c'est vraiment... plusieurs tomes où j'ai vraiment rigolé, mais vraiment à gorge déployée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément, je trouve qu'il y a énormément de finesse dans l'écriture de Gottlieb, et je trouve dans Gelluron, c'est ce qui ressort le plus, et ce côté humour à mort du personnage, et ce qu'il peut balancer comme phrase en utilisant les autres comme des faire-valoir, des choses comme ça, alors que tu vois un chien comme ça, tout las, apathique et inexpressif, et ça, il y a un contraste qui se fait, et pour moi, ça fonctionne à mort. Et c'est vrai qu'en fait, Gottlieb, quand je me suis penché un peu sur sa biblio, il y a beaucoup de choses à sauver, quoi. C'est vraiment, en tout cas, c'est l'humour qui fonctionne vraiment à fond sur moi. La pub de ça, c'est vrai que c'est ouf. Ouais, franchement, oui, ça fait longtemps. Il y a des putains de trucs. Et c'était, je crois que c'était dans les Fluides Glaciales aussi que t'avais le truc avec la nonne là. Putain, et j'en ai lu quelques-uns et j'en parlais avec le French Geek là, je sais plus comment elle s'appelle, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, oui. Un truc comme ça. Je trouve le nom exact, mais je me rappelle jamais. Je crois que c'est Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Je crois que c'est ça. Une BD qui s'appelle Forbidden Zone. Putain, mais c'est à se pisser dessus, quoi. C'est des chercheurs, alors tu vois bien, genre le mec il fait une bombe nucléaire à la fraise et tu vois, tant que tu sens pas la fraise, c'est cool. Puis tu sens que c'est n'importe quoi. Et le mec, c'est là, genre, ah, bon, on est trop près. C'est des trucs tout cons, mais j'adore ça, quoi. C'est vraiment un truc qui me fait délirer, plus glacial aussi. Là. Mais tout n'est pas bon, quoi. C'est vrai que c'est ça. La sensibilité de chacun, quoi. Oui. Et elle me faisait beaucoup rire parce que, alors évidemment, c'était une bonne sœur qui était toute nicaille. Et en plus, elle avait la tête à Jean-Marie Le Pen. Et si tu veux. Avec le principe d'avoir cette vieille tête de Le Pen, tu vois, avec une bonne tête de bonne sœur, elle était toute niquée, la vieille. Mais franchement, ça faisait trop rire, quoi. Pour les gens qui veulent du Fluide Glacial, de toute façon, c'est de la critique de la société 100%. Hein. Chaque personnage fait référence, enfin, les personnages récurrents, chaque personnage fait référence à quelqu'un, enfin, c'est pas caché, hein. C'est vraiment... Ah bah là, la question de, oui, dessiner, est-ce que c'est voté, oui, t'as pas... Ça tire à balles réelles, c'est vraiment... mais c'est vraiment... Quand je relis des Fluides Glaciales de l'époque, quand je parle... C'est la satire pure et dure. Ça y allait sévère à l'époque, mais en même temps, aujourd'hui, enfin, moi je me dis ça, je rigole encore. C'est vrai que tu pourrais pas ressortir ça aujourd'hui, quoi. Ah, comme un Coluche, voilà. Ouais, tu pourrais pas dire comme un des proches, comme un voilà. Des proches, c'est impossible. Oh ouais, c'est sûr. Ce serait compliqué. Oui. Il ferait un ulule des proches, limite, tu vois. Mais bon, c'est vrai que j'avais entendu cette réflexion, tu vois, sur Coluche et des proches, mais c'était aussi des gens qui se faisaient virer de partout, hein, déjà à l'époque. Ouais, bien sûr. Mais là, en fait, c'est déjà galéré un max. Hein. Voilà. Salutations distinguées, mes petites gouttes. Tout à fait. Bonsoir, Rebeu. Également. Je ne lirai pas l'intégralité de ton message. Hello. Pour une raison évidente de censure qu'on ne pourra pas. Alors, moi, pour conclure, eh ben, j'avais envie de parler du jeu Barty. Vous connaissez pas le jeu Barty ? Si. Oh, quand même. Et eh ben ça, voilà, c'est un truc qui m'a toujours fait beaucoup rire. Je suis absolument pas motard. J'ai jamais eu l'ombre d'un scooter ou d'une mobylette. Donc, autant dire que je suis extrêmement éloigné de tous ces délires-là. Mais qu'est-ce que ça a pu fonctionner sur moi, ces trucs-là ? Ça, il y a vraiment mais des perles de gargues à l'intérieur. Ça m'a fait penser, mais des années plus tard, évidemment, au Gaston de Franklin. D'ailleurs, il y a quelques albums où les dessins, bah, ils font énormément penser à du Franklin, mais énormément, énormément. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, c'est toujours bah, voilà, le même principe que Gaston, des petits gags, mais dans l'univers en fait, de la moto. Et à chaque fois, mais c'est tout simplement... C'est tout simplement merveilleux. Et à chaque fois, moi, il y a eu des comiques de situations qui m'ont vraiment, vraiment fait rire. Tu vois, là, je tombe sur un gag qui est tout con, où tu as le bon vieux motard qui dit « Oh, mais il y a une jeune, hein, on est dans les années 70-80, une demoiselle qui a envie de faire de la moto. » Puis lui, il fait le cador. « Attends, je vais monter derrière toi, je vais te donner deux, trois conseils. » Et elle envoie, mais du lourd, elle avoine sale, tu vois. Et lui, il essaye en fait derrière au maximum de rester le plus serein possible et d'afficher une mine de mal dominant. Et à un moment donné, il lui dit « Allez hop, Mazaza, on est dans une ligne droite là, mais au fond, il y a un joli virage, allez, hein, on n'hésite pas, on chope les freins. » Et elle les chope pas parce qu'elle est confiante. Et lui, il craque complètement à l'arrière, elle lui tape sur le casque en lui disant « Tu vas freiner, connasse. » Et moi, ça me fait mourir de rire parce que c'est du comique. Et évidemment, il termine, l'hôtel lui a griffé la gueule, elle lui a mis deux calottes. Et c'est du comique bah oui. De situation qui est juste merveilleux avec des dessins... absolument génial. Quand tu peux l'imaginer de façon en réel, c'est plus. Quand tu arrives à l'imaginer, c'est carrément mieux, quoi. Et moi, je vais donner ma. Tu m'as fait une passe décisive. Tout à fait. Et toi, mon petit souvenir. Je me suis dit merde. C'est celui que j'en suis le plus fier. Et j'étais en train de terminer mon truc et tout. Je disais tiens, il y a un message privé. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as oublié. Oups. Oups. Moi, c'est les personnages que j'adore, peu importe le pays. Hein. Si je vous dis Pinard, attends, petit rébus, c'est pas rébus, mais petite question. Si je vous dis Pinard, Bidochon, non, personnage français, Pinard, Bidochon encore. Ah ouais, Pinard, c'est quoi? Ah, non, je sens qu'il y a un thème qui revient, il y a une idée générale. Allez, Cyrano. Pinard, Cyrano, les gars. À pleines dents. Les Bidochons. Gérard Depardieu, évidemment. C'est quoi? Mais tu rigoles ou quoi, Mathieu Sapin? Il a fait 5 années dans les pattes de Depardieu. Mais c'est à se pisser dessus, quoi. Vraiment, c'est un truc de malade mental. Je sais pas le du mec, tout. C'est un raciste. C'est un connard. Il touche le cul des serveuses, et c'est une merde. Mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Qu'est-ce que c'est bon. Le dessin humoristique comme ça, Mathieu Sapin, il avait fait ça sur Hollande, je crois aussi. Et qu'est-ce que c'est marrant. Tu suis la vie de ce mec-là. moi, j'adore l'acteur, et j'adore le personnage, même si je sais que c'est un énorme connard, c'est comme les Sardou, on sait très bien, tu vois. Mais il me fait marrer tout le temps. Et lire ça, c'est incroyable. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est une fiction, quoi. Le mec, il va en Russie, il bouffe un demi-cochon, il en laisse la moitié, il touche le cul de la meuf d'une ministre d'Ukraine. Enfin, tu vois, genre, mais c'est quoi ce mec? Et c'est tellement marrant, parce que tu te dis, c'est pas possible, ça n'existe pas, quoi. Et si tout existe, le mec, il a des pièces d'art dans sa maison, dans son manoir, il revend des trucs, il rachète des trucs sur un coup de tête. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe, et lire ça, c'est une bouffée de... Vraiment, je me suis mais pissé dessus, quoi. Le Gérard Depardieu, les mythes qu'on a de lui existent réellement, en fait. Tu te dis que... Et tu franchement... sur YouTube, tu tapes Best of Gérard Depardieu. Ah bah oui. Du grand GG. Bah c'est comment il s'appelle, Gérard Moix, ou un truc comme ça, là, qui a fait un documentaire justement sur Depardieu. Puis dans une interview, tu as... Oui, alors je pense que le documentaire que j'ai fait sur Depardieu, je pense pouvoir dire que c'est un chef-d'œuvre. Et que t'es vraiment au-dessus, bien sûr, de lui. Je pense pouvoir dire que c'est... Oui, c'est du chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Du coup, Mathieu Sapin, tu vois, il se dessine dedans, tu vois. C'est le petit machin. Il se compare à une espèce de minuscule petit personnage face à une énorme bête qu'est Gérard Depardieu. Et du coup, c'est du gros nez, hein, c'est du franco-belge, mais oh là, qu'est-ce que c'est cool, quoi. Qu'est-ce que c'est cool, et puis il dit tout. C'est-à-dire que quand il est en train de dessiner à côté de Gérard Depardieu, Gérard Depardieu dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, ouais, je veux tout voir, et tout. Donc, en fait, il raconte absolument tout, il se fâche, il revient un an plus tard, enfin, tu vois, c'est vraiment un personnage, voilà, haut en couleur. Et c'est... Mais moi, j'adore le personnage, donc quand on m'a offert ça, j'étais le plus heureux des hommes. Et à la fin de cette lecture-là, j'avais qu'une envie, c'est de me mater les films et de taper Gérard Depardieu à poil sur YouTube. Voilà. Depardieu pontage, de vin, quoi. C'est ça. Le mec, qu'est-ce que c'est que ce type, quoi. C'est incroyable. C'est une machine. Ça donne envie, en tout cas. Ah oui, il est génial, franchement, il est génial. Enfin, je me le trouve. Et ben voilà, les amis. C'était cool. On a fait à peu près le tour et on a réussi, je crois, à donner à peu près le meilleur, le very best of de nos lectures. Qui, si on enregistre demain, sera différent. Totalement. Oui. Et c'est ça qui est génial. Donc on se dit à demain. Non, quand même, on va laisser passer un peu de temps. Mais dans l'idée, c'est ça. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant de conclure. On peut peut-être passer à vos actus. Ou alors si vous voulez rajouter un autre truc, une lecture que vous auriez oublié. Ou... Non. Non, comme tu dis, hein, tout change tout le temps, donc forcément. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est clair. C'est... Ça dépend de ton humeur aussi. C'est vrai que ça dépend du moment où tu choisis, le mood dans lequel tu es. Voilà. Oui, si on a 20 minutes pour préparer l'émission ou si on a une semaine. Par exemple. Ou quand c'est changé en cours de route. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Je crois que c'est là une des émissions les moins préparées qui puisse exister. Et c'est un truc de fou, ça a cartonné. Il y avait un monde incroyable toute la soirée. Chenille, vous le sentez ça. Ils le sentent quand ça sent un peu le sang et l'urine séchée. Tu vois, ils se disent, tiens, il va se passer des choses ce soir. C'était la miniature étoilée, ça. Bah, du moment où tu balances un fond étoilé, ça, c'est le top du top. Ah, mettre des étoiles dans les yeux, genre, voilà, c'est comme ça. Mon cher Deviant, c'est quoi les prochaines vidéos, les prochaines reviews, les prochains lives que tu vas faire sur ta chaîne? Eh ben, comme tous les dimanches, il y aura du coup le dimanche des déviants avec toutes les actus, séries, ciné et jeux vidéo. Donc ça, c'est à 20h30 le dimanche. Lundi, ça sera les lundis lectures des déviants, où là, on parle de toutes les news comics et mangas. Et du coup, on va se faire plaisir, on va parler de ce qui arrive pour DC. Je suis super impatient d'avoir une série sur Hal Jordan par Tomaki. Ouais, ça fait rêver. Mais il y aura sûrement aussi des bonnes nouvelles. Il y a PKJ par contre, Phil Kenny Johnson sur John Stewart. Ça peut être très très cool. Ça fait longtemps que je voulais le voir sur du Green Lantern, donc ça me fait plaisir. Mais non, voilà, donc tous les lundis, c'est les actus, effectivement, donc comics et manga. Puis une fois par mois, du coup, on regarde vraiment tous les sollicites, toutes les sorties VO, Marvel et DC. C'est toujours assez, assez marrant aussi. Donc en général, accompagné par justement Flavien, comique du prof, et par Julien All Geekman Fots, et puis les dimanches accompagnés par Quanjarod, et puis après voilà les vidéos en dehors, il nous reste encore un épisode, et puis des reviews comics qui arrivent, d'ailleurs c'est marrant, je me suis rendu compte que personne n'avait fait de review du deuxième de la suite de We Live. Il n'y en a pas une. Pas alors une. C'est la fin de ce live, c'est assez fou. Non mais ça m'a surpris, quoi. Donc bon. Mais ouais non voilà, il y a des reviews qui arrivent sur du Wonder Woman. Pas moi. Pas moi, ça m'a pas surpris. Non mais il y en a certainement qui arriveront. Oui, mais pas chez moi. Je l'ai commencé. On verra ce que j'en pense à la fin, je l'ai commencé là. Tu vas sûrement sur Madman aussi, j'en ferai sûrement une aussi, du coup sur l'intégrale, le tome 1 qui était sorti depuis un moment, mais là je vais avoir le temps de le lire. Et puis voilà. Plein de vidéos, plein de choses. Une putain de bonne chaîne, ta chaîne Deviant. Je le dis à chaque fois que tu viens, mais une putain de bonne chaîne et un putain de bon gars. Surtout. J'envoie des messages privés aussi. Il a non mais pardon, non mais j'ai peur parce que j'ai peur qu'on dise oh. Pourquoi? Mais non. Non mais oh, bah, des fois tu te réveilles et genre t'as un message vocal. Je suis l'ami de Debian. Non mais t'as un message vocal ou un message écrit et c'est juste mais tellement adorable et tu te réveilles, t'as le sourire pour la journée quoi. Non mais quand c'est bien, faut le dire. C'est là. C'est tout. Non, franchement, merci, c'est cool. Enfin, Mills, ouais, non, franchement, adorable. Puis, j'ai pareil, ouais, super cool aussi. Enfin, les messages, ouais. Ça fait trop plaisir. Ça fait super plaisir. Puis, moi, vraiment, le plus beau coup franc, comme vous tous, j'imagine, enfin, sauf Dramoun, du coup, qui n'a pas sa chaîne, mais les plus beaux messages vraiment que j'ai eu, les plus beaux compliments, c'est de commencer à avoir eu des messages de gens qui me disent, ouais, soit j'ai repris la lecture grâce à une de tes vidéos, soit je me suis découvert une passion pour les comics. Et juste, t'es comme un ouf. Enfin, tu sais, je fais des captures d'écran, en fait, des messages, des commentaires. Et je me fais un petit dossier où je me les garde. Parce que juste, c'est des trucs de fou, quoi. Ça fait tellement plaisir. Quoi. C'est incroyable. C'est ça tes plus beaux messages ? J'ai pas ça. Ah ouais. Non, je reçois Mille, pas de photos. J'ai pas de photos de toi, moi. Donc, hein. Moi, c'est. Oh, tu m'as fait marrer quand tu t'es craché dans le cul. Ouais, bon, ok, d'accord. Alors, et les mecs, la lecture, tout le monde s'en branle, tu vois. Non, je rigole, évidemment. Et toi, mon cher Mille, c'est pareil, quoi. C'est au moins une vidéo par semaine. Ouais, c'est la case de trop le dimanche. Là, je suis en train de faire des formats un peu plus à chaud parce que les travaux de la maison, bah, ça m'ampute un petit peu de temps. Et vu que c'est scénarisé, bah, forcément. J'ai à souhait faire des émissions au micro-trottoir de plus en plus aussi, donc je suis en train de contacter les personnes qu'il faut. Et j'ai un gros projet avec une autre personne qui va arriver bientôt. Si ça m'en sous peu. Et j'ai un gros projet sur la chaîne qui va arriver, et je peux vous le dire, c'est... alors, j'ai pas appelé ça une anthologie, parce que ça a déjà été pris, je sais pas pourquoi. Mais en gros, je vais revenir point par point sur des runs du Punisher. Par exemple, là, ça va commencer par le Punisher. Donc, il y aura 18 épisodes sur, en détail, donc ça va spoiler un minimum, parce que t'as pas le choix. Tout seul, enfin voilà, donc je vais scénariser aussi le truc, et puis gros boulot, quoi. Donc, je vais pouvoir proposer ça sur ma chaîne. Voilà, partager un peu plus en profondeur sur des runs comme de chez DC et Marvel, parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'indépendants, et du coup c'est vrai que j'aime aussi lire du mainstream, quoi. Voilà. Et autrement, plein de conneries à venir, et puis voilà. Et j'aime beaucoup, et chez l'un et chez l'autre, il y a deux formats qui sont vraiment, enfin, c'est pas qu'ils sont vraiment exceptionnels, mais toi dernièrement, Mills, t'as fait des vidéos où tu allais en fait dans des conventions. Ouais, ouais, ouais. Et où tu t'interviewais comme ça des gens sur le pouce, et c'est un truc de fou, comme tu vois, tu étais à l'aise, et comme même l'angle que tu attaques, quoi, à un moment donné, tu es avec un vigile, tu vois, tu tapes une barre de rire avec lui, tu discutes 5 minutes. Ouais, mes gens sont cool. Hein. Et c'est génial parce que à chaque fois, en fait, il y a des moments qui sont effectivement intéressants, très intéressants, quand tu es avec des auteurs, des artistes, ce genre de choses. Et puis surtout, c'est toujours en toile de fond, c'est ton personnage, c'est pas un personnage, c'est toi, en fait, avec ta sympathie, ta gentillesse, ta bonhomie, et ça donne à chaque fois des petites pastilles, des petits reportages qui sont à la fois très personnels et très professionnels. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Et en plus, tu as un univers à toi... mais qui est monstrueusement bien, quoi. Enfin, que ce soit... C'est toujours feel good. Ouais, grave. Tu ressors une vidéo de Mist. Non seulement c'était super intéressant, c'était cool, c'était agréable à écouter, enfin, t'as appris des choses, et en plus tu te sens bien, t'as juste passé un bon moment hyper agréable. J'adore, je kiffe. Ah non, mais il y a que moi qui suis une merde et qui distille de la haine, tu vois, non. Non, pas à chaque fois, tu vois, mais ça arrive. Bah, non, mais pas du tout. Mais ouais, je pense que pour Angoulême, par exemple, et en janvier, je vais faire la même chose, quoi. Je vais m'axer un peu plus sur le micro-trottoir, tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment genre à souhait d'aller dans les librairies, rencontrer les parents des enfants et de savoir, par exemple, pourquoi les gamins, ils regardent du Spider-Man, ils ont des cartes Spider-Man, ils sont fans de Marvel, machin, mais ils n'ont pas de comics chez eux. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Donc, je suis en train de contacter les bibliothèques et tout pour... Il va les obliger, tu sais. Oh, mais je vais leur faire peur aux gamins, mais c'est du jeu. Ça, c'est genre, je vais être adorable avec eux, et puis des fois, je vais être avec une gueule bizarre, tu vois, je vais juste faire un focus de 2 secondes, ça va être juste marrant, tu vois. Donc, ouais, tu t'attends devant la librairie, tu ne sors pas avec un Spider-Man. Non, mais non, mais évidemment, moi j'aime tellement les enfants, parce que j'en ai, hein, j'adore ça. Je trouve ça tellement innocent et ça va être hyper intéressant, je pense. Puis un mec moi, parler avec des gamins, je pense que ça va être cool, quoi. Parce que moi, surtout si tu déboules avec ta camionnette, avec le rideau. Avec le rideau rouge. J'ai vu le fond de la camionnette, j'ai dit « Ouah !» Non, t'es ouf. C'est ouest, quand même. Non, moi, je déconne pas avec ça, t'es ouf. Mais ouais. Enfin, c'est le personnage que je véhicule avec des gamins innocents, ça peut être bien marrant. Il y a grave. Un personnage, quoi. Ouais, ça va être top. Voilà. Eh ben, c'est génial. Et merci beaucoup, les toi, amis, j'ai de vous être... ton actualité Moi, je suis ici, je suis ailleurs. Mon actualité, il y a pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça qui sort la semaine prochaine avec mon drame, mon dramounet, puisque on a décidé de faire un... C'est même pas un, si, c'est un nouveau concept de vidéo. En fait, il va jouer avec mon porte-monnaie. Et une fois de temps en temps, il va me demander d'acheter une BD dont je ne connais strictement rien, ou peut-être que je n'aurai entendu parler. C'est son choix, ce sera le choix de Drame. Et on la lira tous les deux, puis on en fera une petite vidéo. Il m'a demandé d'acheter ça, je ne savais absolument pas ni ce que c'était, ni de quoi ça parlait. J'ai vu ça vite fait sur une photo qu'il m'a envoyée, j'avais lu La véritable histoire de Dalida. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me veux Qu'est-ce que tu me veux Tu veux quoi, Run, en fait Run, tu saignes du nez en ce moment. Mais attends. Ah non, mais on dit la vérité, tu vois. J'avais dit, mais tu veux quoi? Quel est le projet avec un truc sur Dalida, enfin, et après, je dis, ah non, le Dahlia noir, mais je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? Et je lui ai fait confiance. Et comme dans la majorité des cas, à chaque fois que je fais confiance à Drame sur une lecture, il se passe quelque chose. Voilà. Il a des goûts qui sont très sûrs. Il a une patte, une sensibilité sur tout un tas, en fait, de BD, de comics et tout. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, ça me permet d'essayer de me sortir un petit peu la tête des Big Two, de Marvel, de DC, que j'aime beaucoup et que je continuerai toujours à aimer. Mais moi, ça me permet aussi d'ouvrir un petit peu plus mon horizon et d'aller sur des choses sur lesquels je ne serais pas forcément allé moi-même. Et c'est un exercice super intéressant, et surtout, ça me permet de renouer avec un exercice que j'aimais tout particulièrement, c'est-à-dire faire des vidéos avec toi, mon petit lapin. Et voilà. Après, je vais lui faire acheter les Ragnos Fix, ça va être ouf. Quel enculé. Il y a peu de chance. C'est à un moment donné, si je vois venir la douille, si je vois qu'il y a un piège, je te dirais non, quand même. Non, mais par contre, tout à l'heure, c'est comme ça, bien sûr. Tout à l'heure, j'avais coupé Deviant pour la blague, mais c'est vrai que quand tu disais que Run, il a sorti aussi des threads du coup sur le Dahlia noir, c'est aussi parce qu'on en parle dedans, mais c'est vrai que quand je disais tout à l'heure, suivez Run, franchement, c'est une pipite d'informations. Ouais. Et du coup, je te rejoins, hein, les threads qu'il a fait dessus, c'est ultra intéressant. Je suis complètement d'accord avec toi, quoi. Et du coup, ça sort mercredi. Voilà. Et il y a un enfoiré qui m'a fait lui acheter Willive. Il y a peu de chance. Parce que je l'ai lu déjà. Et voilà, moi je pense que c'est pas mal. Vraiment, vraiment, j'insiste, les copains, les copines qui êtes dans le chat, si vous n'avez toujours pas été vous abonner à Deviant et à Mills, allez-y, vous ne serez ni déçus, ni mécontents, ou alors vous pouvez vous adresser à mon service après-vente, la Dramout Connection, qui pourra éventuellement vous donner 2-3 pistes de réflexion sur les chaînes YouTube. Son adresse est dans la description. Exactement. Et c'était vraiment un plaisir de faire cette émission. J'avais raison de dire que c'est souvent dans les trucs, tu vois, qui sont faits en 2-2 comme ça à l'arrache qu'on passe des putains de bonnes soirées. C'était une putain de bonne soirée, c'était vraiment cool. Vous avez été super nombreux. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux aussi longtemps sur la chaîne. Je sais que c'est pas forcément grand-chose à côté d'autres grandes chaînes, mais pour une petite chaîne comme la mienne, eh ben, ça fait vraiment plaisir. Un très très grand merci à toutes les personnes présentes dans le chat. Merci pour votre confiance depuis toutes ces années. Et ça fait chaud au cœur et ça donne vraiment envie de continuer, de s'arracher pour vous, pour essayer de vous produire du contenu de qualité. Voilà, et fait avec le cœur. On vous fait des gros bisous, un très grand merci. Et bye bye, à bientôt. Salut tout le monde. Un petit moment gênant.